Alors, ça enregistre bien? Ça enregistre bien. 1, 2, 3. Bienvenue dans Brocast, le podcast gaming dont les deux hosts sont des bros passionnés de jeux vidéo et besognant. Blablabla. Je recommence. Ça allait, ça se voit que je me suis couché 1 heure du mat, non? Bon. Bienvenue dans Brocast, le podcast gaming dont les deux hosts sont des bros passionnés de jeux vidéo et besognant dans ce milieu aussi merveilleux qu'impitoyable. Le premier bro, c'est moi, Bruno, chez Bruno sur Twitter, ancien journaliste JV et travaillant désormais pour Storybird Games, studio cofondé par le deuxième bro, Julien, alias Forza Pedro, sur le réseau social où une personne privée de compète Pokémon engendre plus de messages qu'un attentat meurtrier. Tchuss, Julien, comment ça va? Salut. Ouais, bah ça va, ça va. J'ai moins la crève, donc là je vais peut-être moins renifler, respirer comme un buffle, comme ce qu'on a entendu dans. Ouais, parce que les auditeurs ont entendu beaucoup de. Ouais, parce que, pff, oh la vache, du mal à respirer, nez bouché, etc. Donc là, voilà, ça s'est un peu arrangé. Donc normalement, ça devrait le faire, et puis bah ça va, et puis let's go, j'ai envie de dire. Bah, avant qu'on attaque le sujet de cette émission, on va vraiment essayer, et là on va tenir notre promesse, je m'engage solennellement à faire une émission un peu moins longue que la précédente. T'as joué à quoi, dernièrement, très rapidement? Très rapidement, bah je vais en parler très peu parce que je viens à peine de commencer, mais il y avait DBZ, plutôt Dragon Ball Xenoverse, qui est en solde sur Steam, parce que c'est les soldes Steam en ce moment. Ouais, je l'ai pêché aussi, j'ai pas eu le temps d'essayer. Ouais, genre il a 10 balles, donc du coup je l'ai acheté, j'ai commencé un petit peu et je suis plutôt surpris. Bon alors le jeu est super moche, hein, graphiquement, ça... Ça on le savait, ouais. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Ça a l'air assez limité au niveau du gameplay, mais c'est vraiment un jeu de farming, de combat. Ça aurait presque pu être un free-to-play, en fait, tu vois. La manière dont le jeu est construit. Mais écoute, quand t'es fan de DBZ, comme moi, le fanservice est quand même assez excellent. Il y a un vrai scénar, les méchants sont designés par Toriyama, les musiques sont bien, les sons, c'est ceux du dessin animé, enfin... C'est plutôt... Franchement, c'est super amusant. Étant très fan de Dragon Ball et de Toriyama, moi aussi, j'ai vraiment hâte d'essayer. Et t'as joué à quoi aussi, du coup? Ah bah non, pour l'instant, c'est tout. Enfin, en ce moment... D'accord. Bah si, j'ai commencé à jouer à Final Fantasy Brave Exvius, là, sur mobile, mais je vais pas encore en parler, parce que je suis pas assez loin pour vraiment discuter. Je préfère attendre d'être un peu plus loin, parce que c'est ma... Toi aussi, de toute façon, on en a déjà parlé, c'est notre grande surprise, là, de ces derniers temps. Carrément. Alors attention, grande surprise de Square, à mettre avec des gros guillemets, parce que c'est pas eux, hein, du tout, qui ont développé le jeu, mais alors pas du tout, du tout. Eux, ils ont mis un tampon, hop, vous faites un jeu FF et on valide derrière, point. Bah, ils ont quand même supervisé, c'est pas parce qu'ils ont merdé ces dernières années qu'on va à chaque fois aussi les... Non, attends, c'est pas parce que tu vérifies un projet que tu supervises. C'est un jeu qui a été fait par Gumi, c'est ceux qui ont fait Brave Frontier, qui éclate à peu près 99,9% des jeux mobiles Square, ils se sont dit, putain, eux, ils savent faire du free-to-play... Donc ceux qui feront le jeu, moins. On va enchaîner, mais c'est vrai que moi aussi, je suis agréablement surpris, vraiment. Mais comme tu le disais, on en reparlera plus tard, le temps qu'on avance un peu plus. Moi, ça va aller vite, je continue Dragon Quest Heroes, hein, donc on en avait parlé la dernière fois, donc je vais pas m'étendre plus là-dessus. Toujours aussi classe, et j'ai découvert hier donc sur PS4 à 4€, donc je vous le conseille, on s'est éclaté avec mon fiston là sur Pac-Man 256, alors qui vient du mobile, mais je l'avais jamais essayé sur mobile, et c'est vrai comme nous à la maison on adore Pac-Man, on l'a essayé hier, et voilà, pour 4€ vraiment... On peut jouer jusqu'à 4 en multi sur le même écran. Je trouve que voilà, quand on est fan de Pac-Man, c'est encore une nouvelle variation du concept qui est hyper intéressante, qui est très fanservice aussi, pour ceux qui aiment l'historique de Pac-Man, et puis voilà, bon, c'est... Ah, c'est vrai qu'il y a un mode multi sur console. C'est ça, en fait, le gros ajout... Hier, avec Axel... Je crois pas qu'il y a un multi sur mobile. On jouait sur le même écran, vraiment, on s'éclatait, puis il y a un système de respawn qui est très très bien pensé. vraiment, ou même quand tu perds, bah voilà, tu peux faire ressusciter ton camarade au bout de quelques secondes sur des spots qui se placent après sur la grille et enfin dans le labyrinthe et voilà. Et donc parfois faut prendre des risques, système de bonus malus, enfin tout est bien pensé, t'as plein de skins sympas. On était content de retrouver une skin Pac-Mania. Ah ouais, d'accord, ok, ils l'ont vraiment. Ils ont ajouté plein de choses. T'as plein de skins. T'as des skins circuit de car. T'as des skins. T'es dans une ville carrément. C'est des voitures qui t'attaquent. T'as des skins bureau où les fantômes sont remplacés par des chaises de bureau. T'as plein de trucs délirants super sympas. Tu peux choisir ton personnage Pac-Man. Tu peux choisir entre différentes versions. T'as le fameux Pac-Man de Pac-Mania. T'as des Pac-Man en pixel 3D, t'as des poules, t'as des robots, enfin c'est ça c'est ouais, alors la poule c'est pas alors la poule c'est Rapido, c'est la mascotte de en fait de du jeu de la boîte qu'a fait Ah d'accord, je ne savais pas. Qu'a fait Pac-Man de 56 parce qu'en fait ils ont fait un jeu qui est une sorte de Frogger, tu vois. C'est exactement la même vue, c'est le même moteur que Pac-Man de 256 et en fait Namco a trouvé ça génial. En gros, c'est, voilà, pour la petite histoire, eux, ils ont fait ce jeu-là qui a cartonné sur l'App Store, qui est un Frogger en isométrique avec le moteur de Pac-Man 256, parce qu'ils auraient utilisé le moteur de leur propre jeu pour faire Pac-Man 256, alors j'ai plus le nom en tête. Et alors, soit c'est les RP, tu vois, de cette boîte côté War Namco, en disant, dis donc, ça vous dirait pas un Pac-Man avec notre moteur en voxel, etc., parce que c'est du voxel un peu, tu vois. Je pense soit ça fait comme ça, soit Namco sont venus les voir en disant « Putain, un Pac-Man avec votre moteur, ce serait pas mal. » Et ça s'est fait comme ça, en fait. Mais c'est pas un jeu de Namco. C'est pas Namco, tu vois, un peu comme pour le FF Brave Exvius. Oui, bah écoute, c'est pareil. Ils ont trouvé des bons prestataires. Bon, en tout cas, je le conseille pour 4€, vraiment. Il y a vraiment de quoi s'éclater en famille. Et puis, il y a beaucoup de choses à débloquer. C'est très bien pensé, c'est top. Enfin, si vous aimez Pac-Man, c'est du petit lait. Donc, eh ben on va passer au sujet du jour, à savoir la Wii U. Donc, normalement, si j'ai pas changé le titre, si j'ai pas trouvé un titre plus sexy, normalement, c'est la Wii U, un beau gâchis, point d'interrogation, même si on a... pour nous, la réponse est clairement oui. Donc, on va parler de la Wii U. Pourquoi on parle de la Wii U? Puisque, bon, elle est clairement en fin de vie depuis quelques mois. Elle allait sous perf, mais... Ça fait même un an, franchement. Même voilà, une année bien tassée. Cette console, c'est. Si on met le Virtual Boy, mis à part, c'est quand même le plus gros four de Nintendo. Voilà, il faut le dire. Donc, je rappelle juste quelques chiffres avant qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est que là, ça fait 4 ans à peu près voilà, que la console est sortie. Il s'en est vendu 13 millions. Alors, à titre de comparaison, on va pas ressortir. Enfin, si là, je vais le ressortir, mais on va pas comparer à la Wii première du nom qui a été un phénomène, qui a dépassé les 100 millions de ventes. Donc ça, on peut pas faire vraiment de comparo là-dessus. Mais si on compare, par exemple, à la GameCube, considérée comme un échec hein, chez Nintendo, la GameCube quand même, c'est quasiment 22 millions. C'est presque le double. Voilà, de machines vendues. La N64, qui me fait toujours hurler de rire, pardon. Je risque de bafouiller, hein, j'ai travaillé toute la nuit, donc vous m'excuserez. Nintendo 64, qui est souvent vue comme un échec aussi, ce qui est complètement. Enfin, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'elle a quand même vendu quasiment 33 millions de machines. Effectivement, la Super NES avait fait mieux avec 49 millions. Et puis la NES, caracole en tête avec 61 millions. Presque 62. Presque 62. Hein. Voilà. Donc, pour la Wii U, c'est chaud, et on tenait à faire cette émission, puisque, et ça, c'est très intéressant dans le débat, puisque Julien, lui, n'a pas de Wii U, donc toi, t'as pas de Wii U, Julien. Non. Moi, je l'ai acheté Day One, en tant que Nintendo fanboy extrême, je l'ai acheté Day One, et je regrette pas, d'ailleurs. On va essayer de voir pourquoi, même si c'est facile de comprendre pourquoi ça n'a pas tant marché que ça. Ouais, c'est clair. Et puis, il va y avoir une partie très négative, je pense, on va bien la défoncer, la console. En fait, moi, j'annonce tout de suite la couleur, c'est que je trouve la console hyper mal branlée. Pour moi, c'est un peu une cata, mais par contre, j'adore ces jeux. Voilà, donc moi, ma posture, ça va être de défendre surtout ces jeux, qui sont vraiment excellents. Pour moi, le problème de la Wii U, c'est que justement, elle a des jeux excellents, et ça, c'est indéniable, on ne peut pas revenir là-dessus. Ah non, ça c'est clair. Mais je reviendrai un peu plus tard. Mais... Ouais, mais contrairement à la NES, à la Super NES, à la N64, à la GameCube, à la Wii, elle n'a pas un jeu. Elle n'a pas un jeu qui explose, qui ressort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, NES, t'avais Mario 1, Mario 3, la SNES, Mario World. Bon, la SNES, la liste est trop longue, donc on va pas la faire. La N64, tu vois, a révolutionné le jeu en 3D avec Mario 64, Zelda 64, etc. Sur la GameCube, t'as eu des nouvelles licences qui, encore maintenant, perdurent. T'as eu la meilleure version d'F-Zero, t'as eu Pikmin, t'as eu, comme il s'appelle, Twilight Princess. Sur Wii, t'as eu, bon alors n'en parlons pas, sur Wii, Mario Galaxy, point, on peut s'arrêter là déjà. Sur Wii U, finalement, qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, alors, mais GameCube, certes, je te coupe, parce que GameCube, Twilight Princess, c'était vers la fin. Et puis, et puis il est aussi... Il est sorti sur Wii en même temps, donc... Voilà, ouais, mais elle a eu Wind Waker, quoi. Wind Waker, qui a quand même mis une soufflante à beaucoup de monde. Même si, certes, il y a une catégorie de gens qui disent « Ah, blablabla, nous, on n'aime pas le style cartoon. » Faut pas rêver. Le jeu a quand même cartonné. Les gens ont adoré. C'est pas pour rien que le design a été mais étiré sur X épisodes DS, sur des jouets, sur etc., etc. C'est que ça a pris quand même. Sur Wii U, il y a quoi ? Je veux dire, même s'il y a des super jeux, il n'y a pas de vrai nouvel Zelda, il n'y a pas de vrai nouvel Mario. La seule vraie nouvelle, je termine, et la seule vraie nouvelle licence, c'est quoi ? C'est Splatoon, quoi, s'il te plaît. Alors, on va y revenir à Splatoon, mais le truc, c'est que justement, c'est que moi, j'aurais un avis un peu plus nuancé que ça. C'est que, ayant la console, il y a certains jeux qu'on évoquera qui, si je n'avais pas de Wii U, je me serais dit, j'achète pas la console. Pour ça, ça a l'air d'être bien, mais bon, je vais peut-être pas l'acheter. Et puis finalement, en y ayant joué, vu que j'avais la console, je me suis souvent dit, bah merde, ça m'aurait fait chier de passer à côté de ça. Pour moi, il y a eu pas mal de malentendus, en fait. De toute façon, la Wii U, je pense que son histoire, c'est un malentendu absolument incroyable. Puisque de la présentation à l'E3 2011, et j'y étais, ouais. Est-ce que c'est le seul E3 que j'ai couvert, en fait, pour IG à l'époque, quand ils l'ont vraiment présenté officiellement, on était peu dans la salle, et franchement, moi et ma rédac chef de l'époque, Boom TV, on a fait partie des rares à avoir compris le concept. On doit avoir une intelligence supérieure, je ne sais pas, mais, parce que même non, dans mais les stands, les professionnels, personne ne comprenait le concept, en fait, voilà. Nous, on l'avait compris, mais on s'est dit, ça commence mal, voilà. La com a été catastrophique, la console est hyper cheap, son écran tactile, même quand il est sorti, enfin donc l'écran du gamepad était à la ramasse avec tout ce qui se faisait en mode de tablette, et même parfois des tablettes un peu low cost. On dirait ça fait les tablettes un peu, tu sais, pour les enfants là, avec les gros stylos. Ouais, du VTech quoi. Voilà, les trucs VTech. Le gameplay déporté, bah moi il suffisait que je m'éloigne un peu de ma console, ça coupe, bon voilà. Ouais. La batterie aussi, apparemment, du gamepad. Moi, j'ai acheté Day One, donc hein, le pack avec Zombie U, qui est nul. Hein, Zombie U, j'étais hyper déçu. Ouais. Mais ma console, et c'est la première fois que ça m'est arrivé, alors que toutes mes consoles Nintendo sont des Warrior, j'ai toujours les modèles d'origine qui fonctionnent très bien, que ce soit de la NES à la Wii, quoi. Là, ma console, en faisant la mise à jour, elle brique. Donc, retour au constructeur. Et c'est vrai que pour une console Nintendo, ça m'avait un petit peu étonné. Ouais, mais t'es pas le seul, hein. Vous êtes beaucoup. Hein. Voilà, donc le concept était dur à expliquer. Moi, je me souviens quand j'ai appelé la Fnac, pour non, c'était Amazon ou la Fnac, je sais plus, pour leur dire au SAV que ma console avait briqué. Même le mec, au bout du fil, pensait, comme 90% des gens à ce moment-là, et on va dire peut-être 70% du monde maintenant, que c'est un accessoire pour la Wii U, quoi. Donc, ouais. Voilà. Donc, j'ai dû expliquer au mec du SAV, je lui ai fait remplir son dossier, en fait, par téléphone, c'était assez folklorique. bon, les éditeurs tiers, ça, c'est le gag à chaque fois, parce qu'on nous promet toujours plein d'éditeurs tiers au début, puis ils se sont vite carapatés, Ubisoft le premier. Ouais. Donc, voilà. Moi, en fait, ce qui se passe... Avec la Wii U, c'est que il y a pour moi il y a des jeux, mais ça on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai amené ma pile de jeux. Il y a des jeux pour moi dessus qui auraient mérité plus de louanges. Bah, c'est mon avis après. Hein, ouais, voilà. Ouais. Après, libre à ceux qui nous écoutent ou toi de le partager ou pas. Bon, moi c'est vraiment mon avis quoi. C'est que il y a des jeux vraiment majeur chez Nintendo, ne serait-ce que dans son histoire, parce qu'il y a quand même une nouvelle garde chez Nintendo supervisée par les anciens qui ont besogné pour faire des jeux, je pense notamment aux jeux Mario, qui sont vraiment très très très très bons, mais parce que ça se basait sur des concepts déjà vus ailleurs, donc comme les New Super Mario Bros. Ou les Mario 3D, donc 3D Land qui est devenu 3D World, la suite donc de 3D Land, 3D World sur Wii U, qui pour moi est un Mario majeur, je suis peut-être le seul à le penser, mais je le revendiquerai toujours. Ah non, c'est pas un Mario majeur. Oui, ben, t'y as pas joué, donc... C'est pas possible, enfin, c'est une version... Attention, je ne remets pas en cause la qualité du jeu, ça, je le remets pas en cause. Non, mais je dis pas que c'est un Mario qui révolutionne la roue. Mais c'est pas un canonique, quoi, ça reste un Mario annexe, même s'il est excellent... Tu sais, les Mario canoniques, ça ne veut plus rien, parce qu'ils portent tous un nom différent. C'est plus Mario 7, bien 8, sûr, 9, porte... 10, 11, oui, 12. Oui, mais il porte un nouveau concept. En fait, le problème, c'est que Nintendo, ils se sont mis, à cause de leur talent, justement, ou grâce, je ne sais pas, une pression immense. C'est qu'à chaque nouvelle console, et ça, demande à n'importe qui, même à un mec qui n'aime pas Nintendo, s'il nie ça, c'est que c'est un gros con, et c'est tout. C'est que Nintendo, il définit la voie à suivre à chaque fois. Pas sur GameCube, je suis désolé. Pas sur GameCube. Non, effectivement, pas sur GameCube. Sur GameCube, pour moi, le plus mauvais Mario 3D, il est sur GameCube. Ah oui. Pour moi, les Zelda sur GameCube, ils sont très très sympas. Et moi, j'adore Wind Waker. Peut-être même plus, même pas peut-être, même plus que Twilight Princess. Ah oui, mais moi, c'est pas des Zelda considérés comme majeurs. Tu peux pas dire ça. C'est pas vrai. Le Wind Waker, c'est un Zelda majeur. Ah non, le Wind Waker, c'est celui qui a le plus divisé, Julien. Tu peux pas dire ça. T'en as plein qui l'aiment. C'est la marque des bons jeux, ça. Oui, mais il a pas amené une. Ce que tu dis pour Mario 3D World, c'est pareil pour les Zelda de la GameCube. Ils ont rien amené mais de nouveau. Mais en fait, ils ont rien amené de nouveau, quoi. On en avait déjà parlé. Je pense que en fait la Wii U. Enfin, on retrouve beaucoup de similitudes entre la GameCube et la Wii U. Quand dans la vie de la console, même dans l'esprit même presque de la console, même si la GameCube était très puissante, tu vois, quand elle est sortie. Oui, ça, c'est une différence majeure. Ouais. Quand on regarde le catalogue, finalement, il y a énormément de similitudes. C'est que tu n'as pas de révolution sur GameCube. Non, tu n'as pas de révolution. Je suis d'accord, mais tu ne peux pas comparer Mario 3D World à l'impact qu'a eu Mario 64. Mais ou je ne te parle Galaxy. Pas d'impact. De toute façon, regarde ce qui est en train de se préparer avec le prochain Zelda sur Wii U et puis Enix. Ouais. Tu peux dire que Enix, hein, parce que franchement, qui va l'acheter sur Wii U, quoi, hein. Mais le truc, c'est que maintenant, Nintendo a un peu perdu ça, quand même. Le fait de montrer la voie. Là, j'ai un peu l'impression que, justement, il s'inspire vachement plus de ce qui se fait autour. Ceci dit, ça revient, pour Zelda, ça revient un peu aux sources, puisque le premier Zelda sur NES s'inspirait de... C'était un peu un mix de tout ce que Miyamoto avait vu sur ordi, sur console, pour faire sa petite mixture. Donc, à la limite, là, on va dire que c'est un peu un retour aux sources aussi, à l'image de ce Zelda qui... Voilà, qui semble être le Zelda 1 3.0, ouais. Tu vois, je sais pas. Mais moi, je trouve que les jeux Mario sur Wii U défoncent les jeux Mario sur GameCube. Après, il y a que Zelda où là, je te l'accorde. C'était pas très compliqué. En même temps. Le Zelda, on en parlait lors de la dernière émission, Skyward Sword. Quand on compare à Wind Waker, il n'y a pas photo. Voilà, moi je te parle pas d'impact, de révolution, je te parle juste de moi, fan de Mario, manette en main, et, parce qu'on peut pas non plus demander à chaque Mario de révolutionner le truc. C'est ce qu'il faisait avant, je crois qu'il faut bien intégrer que maintenant c'est plus le cas. Le dernier qui a vraiment amené une grosse innovation, c'est Galaxy. Je pense que maintenant ça va être très dur, même si Nintendo commence à nous faire comprendre que le prochain Mario sur. Je suis sûr, va falloir se préparer à de gros, gros, gros, gros changements, et c'est très bien. Je suis sûr que le prochain Mario sur NX, il va être... J'en suis quasi persuadé. Il va être ouf. En tout cas, j'espère. Ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas de vrai Mario canonique. Maintenant, si tu regardes bien, moi, mon épisode préféré de Mario, qui reste Super Mario World, qui pour moi a vraiment été novateur, sur plein de choses. À part pour toi, il a été novateur, point. Enfin... Oui, voilà, il a été novateur sur plein de choses, et pour moi, ça reste le jeu de plateforme ultime. Bon, il trouve quand même pas mal de racines sur Mario Bros. 3. Ça, on peut pas dire. Il n'y aurait pas eu Mario Bros. 3, Mario World n'aurait pas été là. C'est clair. Moi, en fait, je défendrais toujours Mario 3D World, parce que ça a été justement une telle surprise, et en même temps, j'ai eu un tel sentiment d'injustice, à l'image d'autres jeux que je citerai plus tard, de la Wii U, c'est que Mario 3D World et les New Super Mario Bros, donc celui de la Wii U, qui a un level design aussi, mais qui est vraiment, qui est exemplaire, qui est une leçon pour moi de level design, tout comme les Mario 3D World, où tu as quasiment une surprise par niveau. Enfin, c'est des jeux d'une générosité. On voit que les mecs se sont défoncés. Et moi, à chaque fois la Wii U, je me dis toujours, j'ai de la peine en fait pour ces mecs-là, donc les nouveaux, les anciens de Nintendo qui ont bossé main dans la main pour accoucher de ces jeux-là. Alors que vu d'un œil extérieur, les mecs sont dit, ah bah ouais, bah ça c'est le même qui est sorti sur 3DS, ça c'est le même qui est sorti sur 2DS. Enfin, ouais, mais pourtant, regarde, tu prends le Mario 3D World, tu regardes la presse qu'il a eue, il a eu une presse de ouf, quoi. Il a, je crois que sur Gamekult, il a 8 Select ou un truc comme ça. Enfin, ils ont que des. Moi, je te parle pas de la presse, je te parle vraiment des consommateurs, en fait. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis un. Mais les consommateurs ne peuvent pas. Enfin. Est-ce que justement, faut pas rentrer directement dans l'art? Pour moi, le. Au niveau du prix, mais bien sûr. Voilà. Pour tout le monde, le vrai problème de la Wii U, c'est que la Wii U, c'est de la camelote. En termes de technologie, c'est de la chiasse. Et elle a coûté quasiment 300 balles. Pour le même prix, t'avais une Xbox One. Et là, elle est quasiment, je crois, au même prix que la PS4. Attends, elle est à combien la Wii U? Je vais regarder là sur. Je crois qu'elle est à 249€. Alors ça, par contre, c'est le point où on sera vraiment d'accord à 1000%. Et encore maintenant, elle est chère, mais c'est une. Ouais, tu vois, là, je vois par exemple sur Amazon une 32 giga plus Mario Kart 8, c'est 282€, quoi. C'est de l'arnaque. C'est trop cher. C'est du vol. Donc là, on sera d'accord, c'est que la machine, elle est hyper cheapos, quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont fait la même erreur. Et tu te rappelles, c'est pas pour faire genre, regarde, j'avais raison, etc. On en avait parlé, ils nous ont fait le même coup avec la 3DS. Quand ils l'ont annoncé, qu'ils ont annoncé le prix, je t'ai dit, jamais ça se vendra. Jamais. Sauf que la 3DS, ils ont fait une baisse de prix assez rapide, doublée d'un Mario qui sortait. 5 mois, ça... je crois qu'ils ont attendu 5 mois, un truc comme ça. Ah oui, ça a été pour du Nintendo, je crois que c'était limite historique. Hein, mais c'est normal. Et pouf, oh là là, comme barre magie, ils divisent le prix quasiment par deux. Ah bah maintenant, elle se vend comme des petits pains. Ah bah merde alors, putain. Mais franchement, fallait être un gros con pour pas prévoir un truc comme ça. Et ils ont fait la même erreur avec la Wii U. Comment tu peux faire une erreur, je vais dire, d'ado prépubère, tu vois, avec une console portable, et ensuite refaire la même avec une console de salon qui est encore plus chère, et que X années après sa sortie, c'est-à-dire encore maintenant, il n'y a toujours pas de baisse de prix. Les mecs, ils parlent de la NX, ils en parlent, ils disent « ouais, elle va sortir telle année, etc. » Et la Wii U a même pas encore baissé, et n'a même pas baissé de prix. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as l'impression que Nintendo, ils sont bien au bout du monde au Japon, ils regardent pas du tout le reste du monde, c'est-à-dire 99% du reste de la planète à côté de la taille du Japon. Ils sont enfermés dans leur bureau, ils ont coupé Internet, et ils ne savent pas du tout ce qu'ils doivent faire. Parce que de toute façon, ils regardent pas ce qui se fait ailleurs. Ce qui est étonnant, c'est que tu as quand même Nintendo of America qui est quand même devenu très très puissant, qui pilote même beaucoup maintenant de dossiers majeurs. Et je me souviens, parce qu'on en... Si le podcast avait existé à cette époque, on aurait eu des émissions assez vénères. C'est qu'en fait, si tu te souviens, on en parlait souvent, on ne comprenait pas les décisions de Nintendo, on ne comprenait pas. Parfois, ils avaient des boulevards, on a l'impression qu'ils se foutaient 3 balles dans le pied exprès. On peut revenir sur la sortie de Mario Kart 8, qui, au demeurant, soit dit en passant, c'est un épisode pour moi excellentissime. Pourquoi ils ne l'ont pas doublé qu'une putain de baisse de prix hyper agressive pour... Il y a plein de choses... Tu fais un pack. Mario Kart 8, quand il est sorti, tu te rappelles, on en avait parlé, je crois que c'est Mario Kart 8 qui est sorti et on s'est dit, tu vas voir à Noël, ils vont faire une baisse de prix. Attends, je t'explique pourquoi. Ça paraissait évident. Ils vont faire une baisse de prix, ils vont faire un pack. Pourquoi? Parce que la GameCube, en fait, moi je bossais à Micromania à l'époque. Il y a eu Mario Kart Double Dash qui est sorti, il me semble, c'était l'été ou un truc comme ça. Le Noël qui a suivi, la GameCube, elle est passée à 99€ avec Mario Kart. Et bon, dedans, en plus, t'avais la compile des Zelda. Bon, certes. Mais les gens qui l'ont acheté, c'était le grand public. Zelda, ils ne savaient même pas ce que c'était, ils n'en avaient rien à brûler. Souvent, j'ai même eu beaucoup de ces de Mario Kart d'occasion, il y avait le CD de Zelda dedans, parce que les gens ne l'avaient jamais utilisé, en fait. Tu vois. Et en fait, bon, je les reprenais pour faire du business sur eBay, etc. Bravo. La GameCube, elle a baissé à 99€ avec en pack avec la console argentée et Mario Kart. À partir de ce moment-là, c'est pas des conneries, Bruno. Je bossais à Évry-Courcouronnes, au centre commercial de l'Agora, là, dans l'Essonne. Il y avait la queue jusqu'au Carrefour. Jusqu'à l'intérieur du Carrefour. Ah, mais tu vois. Alors qu'on n'en vendait pas des GameCube. Hein. On n'arrivait pas à en vendre avant. Et là, il y avait la queue. Et sans déconner, ça a duré des mois. C'était rupture sur rupture. Et c'est grâce à ça que la GameCube a atteint 21 millions. Ils n'auraient pas fait cette baisse de prix. Pile à ce Noël-là. Avec le pack Mario Kart, la console là, elle sera à 10 millions. Elle sera à peu près au niveau de la Wii. Putain, il y a le Mario Kart Wii U qui est excellent. La presse unanime. Il a des putains de notes partout. Donc en plus, t'as la presse derrière toi. Ils ont matraqué de pubs. Je sais pas si tu te souviens, mais quand le jeu est sorti, t'avais des pubs partout de Mario Kart. à la télé, etc. Ils auraient fait un pack pour Noël avec la Wii U. Genre, c'est une Wii U noire, tu vois, avec un volant dessus, une merde, tu vois, on s'en fout. Ils l'auraient baissé à 99€. Avec Mario Kart, là, on n'aurait pas ce podcast-là. On ne serait pas en train de faire ce podcast. Bah, là, la console, elle sera à 20 millions, là. Ouais, peut-être. À l'aise. Mais c'est sûr. Bah, en fait, en plus, tu sais que y a, moi, ce qui m'étonne... T'as une console, t'as une tablette, t'as Mario Kart, putain. Surtout dans certains pays d'Europe continentale, en fait. Parce que ce qui est hallucinant, et ça, peu de gens savent, c'est que, par exemple, en France et en Allemagne, la Wii U se vend mieux que la Xbox One. Oui, oui. Bah, au Japon, il y a eu un effet... Il y a eu un putain d'effet, alors vraiment, enfin, même pas qu'au Japon, mais mondial, assez surprise par rapport à Splatoon. Ouais. Bon, moi, j'aime pas du tout, mais voilà, ça, c'est encore autre chose. Ce qui fait que t'as l'impression qu'il y avait vraiment. Il y avait qu'à donner un coup de pouce, en fait. Il y a vraiment cette impression où la console, malgré qu'elle soit cheapos, que sa technologie soit vraiment à la ramasse, qu'elle soit trop chère. On sent qu'une baisse de prix, tu vois, avec un pack qui va bien, comme la GameCube, je suis même sûr que, tu vois, sans aller jusqu'à 99, parce que là, ça aurait été la folie, ils auraient déjà baissé la console, l'année dernière, à 149€, par exemple, ouais. Avec, dedans, tu mettais Mario Kart, et puis, allez, tu mettais un Mario avec, ou un autre jeu, mais je suis sûr que ça aurait... C'est pas suffisant. Ça aurait déjà plus vendu, parce que là, elle est trop chère. Je veux dire, le mec... En fait, quand la GameCube, faut pas oublier que quand elle a baissé à 99€, c'était encore la console la plus puissante. Tu vois ? Le problème de la Wii U... Elle a l'image de... À 149€, mais les parents, ils vont dire quoi ? Les parents, ils vont dire, mais non, prends une 3DS. Tu pourras jouer où tu veux, tu vois. Et il y a 15 000 jeux dessus. Et des jeux d'une qualité exceptionnelle, en plus. Donc... Non. Et je sais même pas si on la brader à ce point-là. Technologiquement, la Wii U, elle vaut rien. Elle vaut que dalle. Elle est moins puissante que juste ma carte graphique de mon PC, quoi. Qui m'a coûté moins cher qu'une Wii U. Elle vaut que dalle. Fallait la baisser à moins de 100 balles. Tu l'as baissée à moins de 100 balles. Alors, le pire, c'est que c'était sûr que ça n'allait pas être un gros carton non plus. Je te dis que je pense qu'elle aura rattrapé les ventes de la GameCube. Bah, ça répète aussi la. On aurait été proche des 20 millions ou. Aux 20 millions, je pense. Parce que une bonne com, tu vois, pour Noël, avec le Mario Kart. Mario Kart, c'est universel, tu vois. Mais c'est clair. Plus, en plus, il me semble que vers ce Noël-là, il y a eu le Smash Bros. Peut-être que je raconte façon, de la tout, merde. Tous les prétendus sauveurs de la Wii U... Ils n'ont pas sauvé la console. T'aurais fait des packs avec 99€, mais putain, mais... Même moi, je l'aurais, la Wii U. Je l'aurais acheté, franchement. Parce que je rappelle juste le top 10 de la Wii U. En premier lieu, tu trouves Mario Kart 8, avec 6 millions 9, on va dire, pas loin de 7 millions, quoi, de ventes. Ouais. En deux, t'as New Super Mario Bros. U, que moi j'adore, qui n'est qu'à, entre guillemets, 5 millions. T'as Smash Bros. En troisième, ouais. À 4 millions 9. En 4, t'as Nintendo Land, qui était le... Mais ça, il était inclus dans pas mal de packs. Donc ouais. Le parc d'attractions virtuelles Nintendo qui était censé, via pas mal de petits jeux, montrer les spécificités du jeu avec le gamepad. En 5, t'as Splatoon, qui est déjà à 4 420, ce qui ouais. est assez beau vu sa sortie tardive dans la vie de la console. En 6, t'as Super Mario 3D World, avec 4 200. En 7, t'as Super Mario Maker, avec 3 millions. En 8, t'as New Super Luigi U à 2 millions et des bananes. En 9, t'as Wii Party U à 1 077. Et en 10, t'as le remake de Wind Waker qui a fait 1 7. Putain, t'as même pas le Toad là ? Treasure machin là ? Et le Toad, il est en 15e place, tu te rends compte ? Il a vendu à peine un peu plus d'un million. Il a quand même dépassé le million si tu veux. Tu te souviens à combien au niveau du prix quand il est sorti ? Le prix du jeu. Il n'était pas moins cher que les autres, Camp. Parce que s'il était à 50 balles, c'est normal. Enfin, je veux dire, fallait pas s'attendre à... Je sais pas. Bah, pourtant, mais s'il était genre à 30€, ça m'étonne. Putain. Non, il n'était pas à 30€. Moi, je l'ai payé plus que ça. Hein. Oui, mais alors attends, attention. Ce n'est pas juste... Ah, je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas juste une version à peine améliorée du mini-jeu dans mon 3D World. Non, bien sûr. Ils ont enfin un vrai jeu tour. En fait, je t'explique. La durée de vie est ouf. Moi, il fait partie des jeux auquel j'étais dégoûté de pas de voir Wii U, tu vois, parce que justement c'est un concept que j'avais jamais vu et moi j'adore ce système de petit monde fermé, tu vois, avec des trucs à chercher dedans, des énigmes. Je trouve ça génial et brillant. Ah oui, et dans le jeu complet, et en plus, c'est vraiment brillant. Ouais. C'est super beau, on dirait un dessin animé. J'adore Toad. Même Kelly, putain, elle fait merde. Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de jouer. Nous, on n'attend qu'une chose, c'est que la console est baisse, putain, pour jouer à ça. Après, si la NX, elle est rétrocompatible, bon, bah, définitivement, j'aurai jamais de Wii U. Mais, parce que justement, je l'achèterai et j'y jouerai sur NX. Mais si elle n'est pas rétrocompatible. Bah, t'attends qu'à ce que la console soit hyper bradée. Attends, je viens de penser à un truc là. Et bon, reste dans le cadre du podcast. Mais ils ont bien fait comprendre que sur NX, il n'y aurait pas de tablette. Ils ont bien fait comprendre qu'ils passaient aux manettes, quoi. Enfin, en gros, que c'était pas la tablette. La tablette, on oublie. C'est une erreur. Voilà. Tout le monde est d'accord avec ça chez Nintendo. Putain, qu'est-ce qu'on a foutu avec cette tablette? On n'aurait jamais dû faire ça, quoi. Ouais, voilà. Bah, c'est vrai que c'est un peu facile maintenant de dire ça. Onuma a fait une déclaration là-dessus. En même temps, c'est une idée de merde. Donc, bon. Mais voilà, c'est acté, je veux dire. Même Nintendo eux-mêmes ont dit, bon, c'est vrai que, il n'y avait pas trop d'intérêt. Donc, le jeu, le Toad là, il utilise la tablette. Bien sûr. Bah, donc c'est hyper important. On pourra pas y jouer sur NX. Non, c'est hyper important. Moi, ce que je pense, c'est que quand elle sera hyper bradée, parce qu'elle va bien l'être au bout d'un moment. Et puis si c'est pas Nintendo qui le fait, ce sont les boutiques en ligne ou ouais, les boutiques physiques. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire aussi. Ouais. Le jour où les jeux et la console sera bradée, mais toi et Kelly, ah bah là c'est bon. Vous allez vous faire plaisir, vous allez découvrir. Mais moi, j'attends qu'une des chose. Des jeux de ouf. C'est que j'attends qu'une chose, c'est de jouer au Mario 3D World. J'attends qu'une chose, c'est de jouer au Toad Treasure, au Yoshi qui me fait baver, Ouais, Yoshi est très très bien. C'est même si le jeu est court, il est facile, etc. Juste artistiquement, mais j'ai envie d'y jouer juste ouais, le pour les graphismes. Mais peut-être un peu trop classique, mais il est vraiment très bien. Ouais. Il est très bien. Mais par contre, c'est vrai que je t'avouerais, y a que ça, quoi. Moi qui me fait envie sur. Mais ça, c'est que Nintendo, un des grands malheurs, c'est que dès qu'on est passé à la Nintendo 64, avant, sur Super NES, c'était les rois du monde, ils avaient tout le monde chez eux, quoi. Voilà. C'est-à-dire que t'avais soit une Super NES, ok, ou une Mega Drive, mais c'est vrai que tu savais que sur Super NES, t'avais quand même tout le monde qui était là, les acteurs majeurs, tout le monde était là. À partir de N64, Nintendo, pour moi, et pourtant moi, Dieu sait, comme toi, hein, moi je suis vraiment un Nintendo fan de l'extrême, depuis la N64, une console Nintendo ne peut être qu'une console complémentaire. Quand tu aimes le jeu vidéo dans son entier. Jamais j'aurais pu me contenter que d'une N64, ni d'une GameCube, ni d'une Wii. Et c'est toutes ces consoles, je les ai adorées. Hein. Et maintenant la Wii U que j'aime beaucoup, mais j'aime plus ces jeux que la console en elle-même. En fait, voilà. Mais je garde une affection particulière pour elle par rapport à ces jeux. Mais moi, il n'était pas question d'avoir qu'une Wii U. Tu vois, le combo dans le salon, c'était la PS3. Avec la Wii U, là c'est la PS4 avec la Wii U et le PC maintenant, mais c'est une. Ah, c'est comme la PS2 et la Wii, tu vois. C'est exactement ça. Et en fait, tu l'as. En fait, Nintendo, c'est un peu comme Disney, il a son écosystème. Enfin, moi je vois vraiment ça comme ça. Ils ont leur écosystème ouais. Et tu achètes une console Nintendo parce que tu veux jouer au jeu Nintendo. Tu vas pas acheter une console Nintendo pour jouer au dernier. À Batman, je sais pas quoi. Au triple A, ou au dernier jeu indé qui fait sensation, même s'il y a un petit peu d'indé sur Wii U, mais ça reste très limité. Là, le problème, t'achètes une console Nintendo, c'est voilà, t'achètes du Nintendo. Voilà. Voilà, quand t'aimes comme nous le jeu vidéo dans son entier, bah, t'es obligé quand même d'avoir toutes les autres machines à côté. Mais par contre, tu vois, regarde, là, on parle de la N64, putain, mais le nombre de jeux exclusifs sur N64 qui sont. Hallucinant, même encore maintenant, en termes de qualité. Attends, mais sérieux, t'as pas assez de tes deux mains pour les compter, quoi. Que sur GameCube, et même sur Wii, Mario Galaxy, sors-moi sur Wii un autre jeu qui t'a mis une baffe. Tu parles de Nintendo, là, tu parles. Ouais, je te parle de Nintendo. Ouais. À part Mario, je cherche, là, en plus, je cherche sincèrement. Sur Wii, alors tout dépend si tu parles de jeux de qualité ou de jeux qui amènent une étape, d'un jeu étape après tout. Non, mais un jeu vraiment où tout le monde parle que de ça, quoi. Je veux dire, même dans la presse, tu vois, Mario Galaxy, putain, mais dans la presse, tout le monde parlait de ça. T'avais carrément des dossiers sur Mario Galaxy. Parce que Mario Galaxy, enfin, 1 et 2, ils sont extraordinaires. Non, mais le 1, la claque dans la gueule qu'on s'est tous pris. Alors que c'était pas du tout la console la plus puissante. Là, t'es devant un concept, tu te dis mais putain, mais pourquoi personne y a pensé plus tôt, quoi. Enfin, je veux dire, Tu vois, ces trucs, ces moments-là où tu te dis, mais c'est évident. Pourquoi personne ne l'a fait? C'est évident. Comme je pense que de toute façon, la Wii U, comme on disait tout à l'heure, elle a très très mal démarré. Et c'est vrai que là, on le voit sur la bataille gagnée déjà depuis longtemps qui oppose la One à la PS4. Les premières annonces, la première conf, les premiers coups d'éclat, c'est hyper important dans la vie d'une console parce que ça marque psychologiquement les gens. C'est-à-dire que... ce qui s'est passé pour la One. Hein. Voilà. C'est-à-dire que, je veux dire, la One, là, elle pourrait coûter encore vachement moins cher, être doublement puissante qu'une PS4. C'est acté. Ça changera rien. Chez tout le monde, de toute façon, c'est de la merde à côté d'une PS4. Mm. Bon, ceci dit, moi, je suis plus PS4 que One, mais là, je caricature un peu, mais c'est vrai que les gens pensent ça, comme la Dreamcast à l'époque, ah, mais pour tout le monde, c'était une console de loser. Comment tu peux ne PS2. Pas... Je vais faire une analogie sévère, mais comment tu ne peux pas être plus PS4 que One? C'est comme si à l'époque tu disais comment tu ne peux pas être plus PS1 que Jaguar, quoi. Oui, non, mais enfin, voilà, c'est d'une logique implacable. Mais ce que voilà, il y a pas mais ça, je suis d'accord avec toi. Il y a pas de combat. Il y a pas de combat. Mais ce que je veux dire, c'est que la Wii U, pour revenir sur la Wii U, au début, c'est très très mal parti parce que la console a tout de suite une mauvaise image en fait avec son concept qu'on n'arrivait pas à expliquer. Plus un prix démesuré. Un prix démesuré. Insolent et démesuré. Voilà, des jeux qui étaient des suites, des redites de ce qu'on avait sur DS. Même si, moi je le répète, tout à l'heure je vous dirai ma petite liste de jeux pour faire quelques conseils si certains comptent se procurer une Wii U quand elle baissera ou voilà. des jeux. Et moi en fait c'est ça, pour moi l'injustice de la Wii U, c'est que dessus il y a d'excellents jeux qui se sont moins vendus que prévu, qui n'ont pas parfois bénéficié, je trouve, d'une presse dithyrambique, parce que c'est dans un climat où la Wii U de toute façon avait déjà à peu près un pied dans la tombe depuis très longtemps. Au bout de quelques mois après, ça sortait, voilà. C'était déjà fini. Et puis bah après, quand la PS4 et la One est arrivée, je veux dire, médiatiquement, elle était déjà enterrée. Moi, donc... ce que je comprends pas, c'est que normalement, quand t'es une société aussi grande que Nintendo, ok, ils font énormément d'audits technologiques et des R&D. Ça, voilà, c'est incontestable. De toute façon, ça fait partie de l'ADN de Nintendo, la c'est R&D. Sûr. Voilà. Le problème, c'est que comment ils ont pas pu. Enfin, j'imagine qu'il y en a eu quand même, mais ou alors s'il y en a eu, putain, faut vite virer et changer de personnel. Comment tu ne peux pas avoir eu d'audit, de stratégie marketing et de stratégie commerciale quand tu vois que la PS3, quand elle est sortie à 600 balles, elle s'est cassée la gueule. C'était un four, je sais pas si tu te souviens. Il y avait même la FNAC, là je prends le cas de la France, la FNAC avait ouvert à minuit, il n'y avait personne. Quoi. Les débuts de la PS3 ont été très durs. Et... tu avais genre 30 mecs, à cause du prix. Elle a rattrapé la 360 en fin de vie à force de travail. Parce qu'elle a baissé drastiquement. Mais bien sûr. Son tarif. Comment, quand tu vois ça, alors que c'est Sony, qui sont surpuissants, tu vois, après la PS2, c'était les maîtres, tu vois, du monde sur le marché des consoles. Ils se cassent la gueule au lancement de la PS3 parce qu'ils sont trop chers. Nintendo fait la même erreur avec la 3DS. Et Microsoft la fera après avec la One. Voilà. Et ça, bon, après, mais là, je pas post. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ils se sont dit, dis donc, sortir une console trop chère alors que la technologie ne le vaut pas, ce n'est pas une erreur, donc on va faire la même erreur quand même. Enfin, ils se sont pas dit que c'était une erreur de stratégie. Non, mais tu te rends compte de l'erreur, mais grossière, franchement. Mais il y a que chez ED et Attack, quoi, que tu vois des erreurs comme ça. On en parlait tous les jours. C'est, mais quand elle est sortie, tu te rappelles, il y avait des packs à 340 balles. Mais sérieux, les mecs, mais enfin, revenez sur Terre, quoi. Enfin, on vit pas dans et le puis, même monde. Ajoute à ça un lancement catastrophique dans le sens où moi, comme je le rappelle. J'ai pas été le seul. Quand tu achetais ta console, moi ça va que j'ai une bonne connexion ici. Tu avais une mise à jour obligatoire en fait. Ouais. On était tout à l'inverse du côté convivial de Nintendo où tu as ta console à Noël, tu la branches, tu joues en famille, ça marche tout de suite. Cher, c'est rébarbatif et puis t'as pas de vrais gros jeux à la sortie gros mastodonte bien lourd. Je fais juste deux secondes là-dessus parce que c'est hyper important, c'est que ça a dégoûté beaucoup de monde. C'est que quand tu avais la console, tu as certains qui avait laissé la console tourner toute la nuit pour la mise à jour, tellement elle était lourde et longue selon les connexions internet. Moi, je crois que ça a mis que 3 heures chez moi. Voilà. Parce que moi, j'ai une connexion de bâtard chez moi, c'est vrai. Ouais. J'ai une super connexion. Mais ça a été long, sachant qu'une fois sur deux, enfin une fois sur deux, j'exagère un peu, mais il y a énormément de consoles qui ont briqué, qui ont planté, qui étaient irrattrapables pendant cette mise à jour. T'imagines le cadeau pour un gamin. Hey, tiens, bon anniversaire. Mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Il y a eu. Bah là, de toute façon, c'est en période de fin d'année, donc il y a eu des Wii U sous le sapin. Les gamins et ça crée des drames. Et les parents. Ouais. Mais oui, parce que Nintendo, c'est cette image, et moi je peux vraiment en parler, c'est que moi j'aimais Nintendo avant. J'étais fan de Nintendo avant d'être papa, et tu les limites encore plus quand tu es papa, parce que t'as des jeux vraiment un peu comme certains Pixar ou Disney, t'as différents niveaux de lecture. Et ce qui est génial, c'est que y a un jeu que toi tu vas, un Mario par exemple, toi en tant que gamer, tu vas voir vraiment le côté où il faut vraiment du skills, où il faut le côté exploration, le côté où tu vas apprendre le level design qui est hyper fin, tu vas débloquer tous les secrets, tout ça. Mais à côté, ton gosse, il peut quand même s'amuser aussi, même s'il voit que la surface du jeu et pas toute la profondeur qu'il a, il peut quand même s'amuser avec, tu vois. Ouais. Et donc, c'est ce côté Nintendo qui est très cool. Et là, t'as eu des Wii U sous le sapin. Déjà, aucun gosse n'a pu y jouer sur le moment parce qu'il y avait une grosse mise à jour. Et puis, une fois sur trois, la console briquait, quoi. Donc, retour au magasin, machin, tout ça. Ça a été une cata entre la com, entre le prix trop cher, entre la technologie complètement cheap, et puis ce lancement complètement raté. Et puis le line-up de lancement qui n'est pas sexy, quoi, qui n'est pas assez sexy. Qui n'était pas assez sexy. Alors, pour moi, il l'était, parce que moi, c'est vrai que je suis très hardcore de Mario, voilà. Et le New Super Mario Bros. Wii U, pour moi, c'est une leçon de LD aussi, mais voilà, je peux comprendre que les gens se disent... C'est un repoussoir, carrément. Non, mais moi, voilà, moi, je le défendrai toujours, voilà, parce que moi... Non, mais pour comprendre ton point de vue, moi, je dis que j'ai joué et que, voilà, pour moi, c'était un bonheur d'y jouer. Je me suis tapé 3 épisodes avant, t'achètes pas une console 350 balles pour rejouer. Ce que je veux dire, c'est que ça aurait dû être un jeu parmi un line-up avec un Mario nouveau au-dessus. Voilà, c'est un jeu bonus, quoi, mais pas... Voilà. C'est pas un jeu de lancement. Mais ça ne retire en rien la qualité de... Bien sûr, la qualité du jeu. De ce jeu-là. Mais il aurait dû rester à sa place, comme sur Wii. Il n'y avait pas de... Tout ça a fait que ça a très très mal commencé. tous les voyants étaient au rouge, quoi. Ça a très mal commencé. Et justement, tu parles de... Oui, tu répètes beaucoup que t'es fan de Nintendo, mais putain, mais moi aussi, quoi. J'ai toutes leurs consoles, en dehors de la Wii U, justement, j'ai toutes leurs machines. Putain, j'ai même une Famicom, quoi. J'ai une NES et une Famicom. J'aime tellement Nintendo que j'ai même les versions japonaises de leurs consoles, juste parce que j'adore la gueule de leurs cartouches, quoi. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tous les fans de Nintendo n'ont pas forcément passé le pas, en fait. Franchi le pas d'acheter la Wii U. Que ce soit les Mario, les Zelda, Mario 64, j'y rejoue régulièrement. Regarde, là, je suis en train de te parler. Sur mon PC, j'ai ma 3DS. Parce que je joue un peu au nouveau Kirby, là. On en a parlé dans l'épisode 0, l'épisode 1 de Broadcast. Parce que je ne l'ai toujours pas fini, bref. De temps en temps, je joue à Kirby. Je veux dire, sur mon bureau, là, j'ai l'amiibo de Keke d'Animal Crossing. J'ai l'amiibo de NES d'Earthbound. J'ai l'amiibo de Toon Link. J'ai de l'iconographie Nintendo-esque partout dans mon bureau quand je bosse. Moi, ça fait partie de mes exemples, même quand j'ai des stagiaires et qu'on parle game design, je leur dis, parce que voilà, ils sont jeunes, les stagiaires, ils n'ont pas forcément connu, tu vois, la sortie de la N64. Je leur dis, putain, s'il y a un jeu que vous devez faire, dans la liste des jeux qu'ils ont à faire, tu vois, pour leur culture personnelle et même en culture de game design, tu vois, Mario 64 et Ocarina of Time sont toujours dedans, Mario Galaxy aussi. Bref, c'est un peu, tu vois, comme chez les humanistes, l'abbé Pierre, tu vois, est un exemple. dans le game design, Nintendo est un exemple, tu vois. C'est-à-dire que c'est un exemple incontestable, incontesté, gravé dans le marbre. C'est un peu, tu vois, si on doit faire les 10 commandements du game design, il n'y a quasiment que du Nintendo dedans, tu vois. T'as Mario 64, Mario World, Ocarina of Time, tu vois, c'est bim, bim, bim, bim. Tu fais le déroulé, Nintendo, Nintendo, Nintendo, Nintendo, Nintendo. Je veux dire, chez tous les professionnels, on est d'accord avec ça. Voilà, c'est si on veut être froid, tu vois, à la game cult, si on veut faire une analyse très froide et médicale du game design, tu prends quasiment tous les jeux Nintendo, c'est du sans faute à chaque fois. Et puis ça a été des jeux étapes. Mario 64 a montré comment on faisait un vrai jeu. Mario 3D. 1, voilà. Mario 1, Ocarina of Time, Zelda 3, Zelda 1, enfin bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Voilà, ça veut dire que tu as besoin de jeux étapes pour acheter une console Nintendo, en fait. Moi, pour acheter une console Nintendo, j'ai besoin d'avoir ce frisson, entre guillemets, de la vraie nouveauté. Parce que sur GameCube, tu n'avais pas de jeux étapes. Pas juste, attends, je vais venir, pas juste du game design, pas juste un bon game, un bon level design. Moi, ça suffit pas pour moi. Voilà, un bon level design, ça suffit pas. Du bon level design, t'en as beaucoup. Hein. T'en as chez Sony, t'en as chez Microsoft, t'en as sur PC, etc. Voilà, avoir un bon level design, c'est pas unique. Tu comprends ou pas? Parce que où oui, mais tu peux pas demander à Nintendo de réinventer la roue à chaque fois. C'est là où je suis oui, pas d'accord. Oui, mais avec c'est toi. Leur. Oui, mais c'est quasi. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est une pression qu'ils se sont mis tout seuls. Moi, c'est ce que j'attends. Moi, c'est ce que j'attends de Nintendo. Ça veut dire que tu vas pas jouer un jeu Nintendo parce qu'ils réinventent pas un genre. Non. Quoi. Bah, j'ai une 3DS avec. Je joue à Kirby là. Mais pourquoi j'ai une 3DS et pourquoi j'ai acheté Kirby? Parce que la 3DS, elle m'a coûté 150 balles max et que Kirby, il m'a coûté 30 balles. Tu comprends ou pas? Oui, c'est au niveau du porte-monnaie en fait que voilà, ça te freine. La seule console là, moi, de Nintendo qui n'est pas sortie encore, parce que là, je me tourne, tu vois, de mon bureau, j'ai ma Famicom et j'ai ma Super NES qui sont sorties et j'ai ma Wii. Qui est encore dans mon meuble télé, tu vois, si je veux la ressortir, parce que c'est vrai qu'on en parlait, je sais plus si on en parlait en dehors des podcasts, mais par exemple, Wii Sport, tu vois. Ah, voilà, c'est dans un dire, podcast, on en a parlé, ouais. D'accord, je veux dire, c'est unanime, tu as ta famille qui sort, tu sors le bowling, même 15 ans après, tout le monde s'amuse, tu vois. Voilà, c'est instantané, tu as ta grand-mère qui joue. Voilà, donc moi, c'est pareil. Par contre, dans mes consoles qui sont pas sorties, tu fais bien parler de la GameCube, moi, elle est pas sortie, hein. Elle est dans un carton, je sais même pas où. Je sais même pas où elle est, moi, ma GameCube. Tu vois? Alors que la console marqué, que je regrette. Pour des jeux pas Nintendo, quoi, en fait, hein, c'est ça. Là. Ouais, voilà. Moi, ce que je regrette, c'est que j'ai une N64, mais elle marche plus, en fait. Je sais pas, elle a grillé à l'intérieur, tu vois? Du coup, voilà, quand je rejoue à Mario 64, généralement, c'est sur un émulateur, mais j'ai envie d'y rejouer, tu vois? C'est marrant qu'on parle de ça, parce que ça fait plusieurs semaines, je me dis, putain, il faudrait que je me retrouve une N64 qui marche pour pouvoir remettre mon Mario 64 dedans, tu vois, ouais. Et refaire genre une partie à zéro. Mais tu sais, il a joué sur ma cathodique avec la manette N64, parce que quand je rejoue à Mario 64, ça me rappelle aussi l'incroyable baffe dans la gueule que j'ai eu quand j'y ai joué. J'étais devant, putain, merde, c'était le futur, quoi, tu vois, c'était... Oh, ils ont... Et Mario Galaxy... Est-ce que tu te souviens de la claque dans la gueule que t'as eu dans Mario Galaxy quand t'arrives sur la première planète, tu sais, tu marches et là t'as un château qui apparaît, quoi. Brrr, c'est qu'était derrière ça, en fait, tu le voyais pas. Ça, ça je suis d'accord avec toi en fait. Ce que t'es en train de dire, pour avancer un petit peu, ce que t'es en train de dire, c'est que. Et pourtant là, oui, techniquement, elle était à la ramasse à ce moment-là. Tu l'aurais acheté s'il y avait un jeu étape, ou alors tu attends qu'elle baisse vraiment. Voilà, en fait, c'est un peu ça. C'est le ticket d'entrée et trop cher pour juste. Alors, je dis juste entre guillemets parce que justement, non, mais nos points de vue juste sont intéressants. Juste des très bons jeux. Parce que pour moi, ça justifie. Voilà. Parce que moi, comme toi, je suis très fan de l'école Nintendo. Même si un jeu ne réinvente pas la roue, mais je sais que je vais trouver du très bon game design, level design Nintendo. Moi, et pourtant, ouais, à l'époque. Mais il y aura quoi à 4-5 jeux? Tu vois? Il y aura quoi à 4-5 jeux? Mais ça a toujours été comme ça? Mais non! Parce que dans les autres consoles, t'as des jeux canoniques. T'as des jeux qui ont changé l'histoire. Qui ont marqué. Donc non, c'est pas toujours comme ça. Quand t'achètes une 64 ou quand t'as acheté la Wii, t'as eu Mario Galaxy, Mario 64, Ocarina of Time, GoldenEye, Banjo-Kazooie. T'as eu tout ça. Je sais ce que tu veux dire. On peut résumer ça. C'est des jeux qui t'ont marqué. Non, mais de toute façon, ça sert à rien d'aller plus loin là-dessus. C'est que je comprends ce que tu veux dire. En fait, ce que tu veux dire, c'est que notre différence là-dessus, c'est que moi, même si je roule pas sur l'or, je suis prêt à mettre le prix. Même si j'ai juste, et je mets bien entre guillemets juste, des jeux Nintendo hyper bien faits mais qui ne réinventent pas la roue, toi, pour mettre ce même prix, il te faut un jeu étape. Voilà, c'est tout. Pour mettre ce même prix, il faut un jeu qui marque voilà. Non, mais... qui marque l'histoire, quoi. Tu vois, un truc où tu dis... Voilà, c'est tout. Je pense qu'on peut, on peut résumer ça à ça. Parce quoi. Que sinon, des jeux avec du bon game design, etc., si tu dois mettre un prix aussi élevé, bon, bah déjà, en termes de technologie, j'aimerais avoir autre chose. Enfin, voilà. Et puis surtout, j'aimerais me dire que de toute façon, il n'y aura pas que Nintendo. Tu vois, je me dis, même si Nintendo, ils vont faire 4-5 jeux, tu vois, qui sont excellents, bon, eh ben, je vais me dire que la meilleure version, je sais pas, je dis au pif, moi, c'est des jeux auxquels je joue pas, tu vois, mais je dis au pif, la meilleure version de FIFA, elle sera dessus. La meilleure version du prochain Batman, elle sera dessus. La meilleure version du Street, elle sera dessus, tu vois. Il faut que je me dise ça, tu vois, pour que je passe le cap de dire, bon, allez, je mets 340 €, tu vois, dans une console. Bon, bah, je sais que par contre, de toute façon, sur le long terme, je m'y retrouve parce que tous les autres jeux consoles, tu vois, même éditeur tiers, la meilleure version, à la limite, je l'aurais dessus, tu vois. Sauf que sur Wii U, c'était pas le cas. La Wii U avait besoin d'un jeu qui marque, mais c'est qui s'ancre dans ton cerveau et qui met tout le monde envie d'y jouer, quoi. Tu sais, putain, mais oh, t'as pas fait, je prends le cas de la Wii, t'as pas fait Mario Galaxy, putain, mais c'est le renouveau du jeu de plateforme. Je veux dire, personne n'arrivait à faire des bons jeux de plateforme. Après Mario 64, il y en a eu très peu des gros bons jeux de plateforme. Bon, t'as eu les Ratchet & Clank, 2-3 trucs comme ça, mais Jak and Dexter. Mais bon, voilà, c'est pas Mario 64, quoi. Tu vois, voilà, c'est pas. Bah, c'est clair. C'est bon. Ok, il y a eu le Mario Sunshine qui avait une super ambiance, etc. Mais Mario Sunshine, c'est qu'une version de Mario 64, voilà. Bah, en moins bien, quoi. Avec une caméra encore plus naze. Et puis bon, c'est toujours les mêmes environnements. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Moi, je trouvais que c'était un Mario très paresseux, ouais. Le pitch de départ est super. Mais après, ça devient très paresseux. Mais bon, par contre, voilà, il n'est pas. Voilà, en restant objectif, bon, l'idée de la flotte, tout ça, c'est super. Mais c'est toujours les mêmes environnements. Bah pour moi, les Mario de la Wii U... Et tu fais toujours la même chose, en plus. Donc les Mario de la Wii U, comme je disais tout à l'heure, sont... Et alors, ils réinventent pas la roue, je suis d'accord, mais ça défonce ce qui a été fait sur GameCube. Voilà. Ah oui, non mais ça, par contre... Donc en fait, après, tout dépend, tu mets tes critères. C'est pour ça moi, que... ça, il n'y a pas de problème. Et bon, j'ai envie de dire, heureusement, tu vois, parce que putain... Non, mais après, je veux dire, c'est que... on est bien placé pour le savoir aussi. C'est qu'ils ont créé des jeux étapes. Et ben à chaque fois... Même si chaque nouveau jeu n'est pas un jeu étape, il y a quand même une qualité qui est là. Et moi, ça, c'est indéniable. Par rapport à ma passion pour Nintendo et par rapport à ma culture de joueur, je veux y jouer. Voilà, je vais pas me dire parce que ce nouveau Mario ne réinvente pas tout, je le fous de côté. Non. Après, c'est cher. Ouais. D'accord. La Wii U est trop chère. Mais moi, pas ce prix-là. Ça, on est d'accord. Moi, à l'époque, bah, je me suis fait aider de mon épouse qui m'a aidé à l'acheter. Ça a été un cadeau de Noël, etc. Parce que je voulais y jouer, voilà. Parce que combien de fois j'ai failli essayer de mettre la main au porte-monnaie. C'est mais... surtout à la, moi c'est vraiment à la sortie de Mario 3D World et au Treasure là, merde. Le taux de Treasure. Captain Toad, oui. En fait, ce qui est marrant, c'est que moi je suis aussi dans une autre situation, c'est que il y a Funny Teddy 2 qui est sorti sur Wii U, tu vois. Et en fait, je m'étais dit, eh ben là, ce sera le prétexte, tu vois, parce que je l'achèterai avec le compte de la boîte. Donc de toute façon, moi sur mon porte-monnaie perso, j'y verrai que du feu. Ouais, ouais. Je l'achèterai pour pouvoir tester la version sur Wii U. Mais malheureusement, il y a eu une Shorting Cat qui a pesé dans la balance. Et du coup, au lieu d'acheter une Wii U, j'ai acheté une PS4 avec le compte de la boîte pour pouvoir tester Final Fantasy 2 sur PS4. Parce qu'il est aussi sorti sur PS4. L'instant pub, tu sais. Achetez-le en solde sur Steam. sauf que, alors rapidos, je vais jouer la transparence complètement à fond. Par rapport à Final Fantasy 2 sur Wii U, alors, aux États-Unis, en fait, le jeu, quand on l'a sorti, il y a eu un gros crash. Parce que c'est un crash qui apparaît uniquement sur les consoles commerciales et pas sur les consoles de test. Donc, c'est-à-dire que Nintendo nous a validé le jeu sans le tester sur une console commerciale. Merci Nintendo. J'espère qu'on m'entend applaudir parce que voilà, c'est quand même assez incroyable d'être aussi con. On dirait un français un peu russe, tu sais, quand on entend quelqu'un applaudir derrière. Oui, bravo. Non, parce que nous, on peut pas le faire. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que toi, en tant que développeur, tu peux pas tester ton jeu sur une console commerciale. Alors, c'est intéressant. Tant qu'il n'est pas validé par Nintendo. Alors, attends, je termine. Non, parce que j'aimerais bien que tu parles du côté dev aussi pour Nintendo. Voilà. La version Wii U européenne, on a envoyé la mise à jour à Nintendo au mois de mai. Et apparemment, c'est toujours pas pris en compte. Alors que eux, Nintendo, nous ont validé la mise à jour et pour eux, c'est fait. Alors qu'elle n'est pas faite. Putain. C'est-à-dire que les jeux qu'ont. Les joueurs là, qui ont acheté Final Fantasy 2 là, en version européenne, ils ont toujours la version moisie qui n'arrête pas de cracher, quoi. Alors que le jeu, il est mis à jour, mais depuis je sais pas combien. Mai, juin, juillet, ça fait 2 mois que la mise à jour est prête et envoyée. Et là, c'est toujours pas en ligne. Bah donc, on peut en profiter pour dire à ceux qui l'ont acheté sur Wii U que voilà, c'est pas du tout de notre faute. Mais non, on l'a envoyé. Nos éditeurs, Look4MyGame et Axis, ont envoyé la mise à jour. Axis nous ont dit, mais putain, mais on l'a envoyé, Nintendo, on dit que c'était bon. Mais non, eux, ils disent que c'est bon. Mais en vrai, en réel, il n'y a pas eu la mise à jour dans la version européenne. Il n'y a que Nintendo America qui ont fait leur boulot. Tu vois. Donc... l'achetez pas sur Wii, achetez-le sur PS4, je suis désolé. Mais... Bah, achetez-le sur PS4 ou sur PC. Maintenant, j'aimerais que tu me dises, parce que ça c'est important en fait, et ça je pense que c'est une plus-value qu'on peut apporter aussi par rapport à notre podcast, c'est que côté dev, donc on le rappelle, hein, donc t'es le co-fondateur de Storyboard Games, et donc bah t'as eu à faire beaucoup de fois Nintendo. Co-fondateur, mais bon maintenant je suis le seul. Mais maintenant t'es le seul, voilà, t'es le. Je suis tout seul. Ouais. T'es le big boss. Ah, le seul gérant. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la difficulté, parfois un peu le chemin de croix que ça représente de collaborer de près ou loin avec Nintendo. Bah c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc pour la Wii U, ça peut être intéressant, je pense qu'on est en plein dans le sujet. de voir l'envers du décor un petit peu. Allez, alors je vais leur passer un peu de pommade avant de les défoncer, parce que là, vraiment, là, ça va être une exécution publique. c'est apparemment mieux qu'avant. D'après voilà, les développeurs et les éditeurs avec qui on collabore, c'était pire sur Wii, c'était pire sur GameCube, sur N64, c'était même carrément impossible de travailler avec eux. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que... c'est tellement long, il y a tellement de trucs à dire, et en fait, je vais tellement pas rentrer dans les détails parce que c'est pas possible. Si tu peux résumer, en fait. Il y a peut-être des aspects trop techniques. C'est simple, travailler avec Nintendo, sortir un jeu avec Nintendo, ça veut dire travailler avec Nintendo Europa, Nintendo Japon, Nintendo America. Et Nintendo Europa, Nintendo Japon, Nintendo America n'ont pas les mêmes règles et n'ont pas les mêmes exigences. Donc déjà, on part de ce postulat-là. Donc t'as l'impression déjà de faire avec trois boîtes, c'est différent. C'est pas une impression. Tu bosses avec trois boîtes différentes. Voilà, comparé par exemple à quand, parce que toi, comme t'as aussi communiqué avec Sony pour la version PS4, etc. Donc c'est important de voir la différence que sur la vie de la Wii U et sur le limite, fait qu'il y ait peu de jeux indés sur Wii U. Ça peut aussi expliquer beaucoup de choses. Sony, c'est limite, tu tapes l'apéro avec, hein, si c'était possible. Hein, tu vois, c'est vraiment, ouais, salut, ça va. Oui, bah c'est bon, attends. En ce moment, on est un peu booké. Le mec, il tutoie. Voyez, c'est bon, j'ai validé votre compte. Quand t'as un rapport de bug, le mec, il t'envoie le rapport de bug entier avec le debug, tu vois, genre pour le développeur, avec les endroits soulignés. Bon, bah, si ça déconne, c'est peut-être pour ça. Regarde ce truc-là, attention. Limite, le mec, il va corriger de son côté, tu vois. Un peu deux, trois trucs. Enfin, alors que toi, tu viens de nulle part. Hein. J'insiste sur le fait que nous, on vient de nulle part. On n'avait jamais sorti de jeu chez Sony. Faut voir l'ouverture. Ils ont mis beaucoup l'accent sur l'indé, là. Et la transparence qu'ils ont avec les développeurs. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Enfin, et leur rapport de bug et leur rapport de soumission sont juste, mais parfaits, quoi. Je veux dire, c'est un petit document, c'est un Word, tu vois. Et puis, tout est bien décrit. Tout a les liens sur les docs et tout. Enfin, Nintendo, je vais te faire un exemple. Alors non, mais c'est à mourir de rire. Nintendo, il t'envoie un rapport de refus, ok ? Ce qui est normal, tu vois. Généralement, quand tu soumets un jeu la première fois, il y a toujours des trucs qui vont pas. Ça n'existe pas une soumission, tu sais, réussie dès le premier coup. T'as toujours un truc ou un petit bug ou ce qu'on appelle les TRC. Donc les TRC, c'est tout ce qui est... tout ce qui est lié au hardware et à certaines conditions, comme par exemple, tu vois, la barre de vie, il faut pas trop qu'elle soit collée en haut à gauche de l'écran parce qu'ils estiment qu'il y a des gens qui jouent sur des cathodiques et donc sur les cathodiques, ça peut sortir, tu vois, de l'écran. Mais c'est important de préciser ça pour ceux qui nous écoutent, c'est hyper voilà. Intéressant en fait. Voilà, ça peut être renié, ta barre de vie. C'est pour ça que dans les jeux... les gens HD, souvent, c'est les interfaces, elles sont jamais au bord des écrans, tu sais, elles sont contrairement aux vieux jeux, tu vois, genre sur console, les vieux jeux même 64 bits, où tout était collé, tu vois, sur les bords. Là, souvent, tu vois, t'as quand même beaucoup de marge, tu vois, par rapport au bord d'écran. La barre, elle est pas au milieu de l'écran non plus, tu vois, mais elles sont quand même très séparées, tu vois. Tout est très resserré vers le centre de l'écran. Bon, c'est pour ça. C'est en prévision voilà. De tout ça, ouais. Voilà, c'est pour différents formats. Ouais. Pour couvrir toutes les tailles, tous les ratios, etc. Bon. C'est les TRC, c'est les constructeurs qui, eux, ont fait de l'audit technologique par rapport au matériel que les usagers peuvent avoir, etc. Et donc, ils te disent qu'au minimum, il faut tant de pixels du bord de l'écran, blablabla. Bon, ça, tu tapes jamais du premier coup, tu vois. Il y a forcément, tu vois, Nintendo, c'est pas les mêmes TRC que Sony. Et Sony, c'est sûrement pas les mêmes TRC, tu vois, que Microsoft. On travaille pas avec Microsoft, donc je peux pas dire, mais... Sauf que Nintendo... Ça va au-delà. C'est du genre... du réel. En fait, le problème, c'est que leur hardware, je peux vraiment le confirmer, est tellement pourri. Mais vraiment, la Wii U, c'est une catastrophe en termes d'hardware, de gestion de mémoire, gestion des sprites, gestion du son, gestion de la sauvegarde. C'est une catastrophe. C'est archaïque, mais sans déconner, mais mon netbook le plus pourri est mieux, quoi. C'est vraiment... c'est une catastrophe. Et du coup, il faut contourner tous les problèmes techniques du hardware. Tu vois, du genre, on est désolé, mais sur Wii U, quand on démarre le jeu et qu'on matraque le bouton Home, si tu le matraques comme un bourrin au démarrage de la console, et des fois, la console perd le fil. Et c'est plus si elle est dans la Home ou si elle est dans le jeu. Donc, ça veut dire que quand le jeu se démarre, t'as des réactions complètement débiles, du genre, le bouton Start marche plus. Tu vois, pendant tout le jeu, ça marche plus. Mais par contre, le bouton Start, il peut marcher. Tu vois, si tu appuies sur Home, là, tu es dans le menu de la console et que tu appuies sur Plus ou Start, tu vois, et là, ça marche dans le jeu. Alors que tu es en Home, le jeu est censé être en pause, tu vois, c'est La console, elle devient schizophrène. Bon, bah, tu dois gérer tous les problèmes du hardware. Donc, les contourner, c'est-à-dire tricher dans le code du jeu. C'est pour ça que tu ne peux pas faire des vraies versions multiplateformes, par exemple. Tu ne peux pas faire un jeu réellement PS4 et Wii U en te disant « je vais juste faire le portage, changer les succès et puis changer tout ce qui est ça, marketing. » Ça, c'est ce qui pénalise beaucoup Nintendo aussi. Voilà, genre, non, il faut contourner tous les problèmes hardware, tous les problèmes du gamepad, tous les messages d'erreur que ça engendre, s'il n'y a plus de batterie sur le gamepad, s'il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Il y a des mots que tu n'as pas le droit d'utiliser aussi. Donc, tous les mots que tu as mis dans les dialogues de ton jeu ou tous les dialogues système, par exemple erreur de sauvegarde, etc. Non, Nintendo, ils n'aiment pas le mot, je sais plus, erreur ou bug, etc. Non, il faut changer tous les mots par rapport aux autres versions. Enfin, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Sachant que, ensuite, tu as la magie du e-manual. Ah oui, et je me rappelle de ça. Le Wii U e-manual. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des sociétés qui se sont fondées uniquement sur ça. Uniquement sur le e-manual Wii et Wii U. Tu as des sociétés qui proposent de faire les manuels pour les sociétés. Oui, un peu comme jeux. Certains qui se proposent de t'aider pour remplir tes impôts ou pour chercher un contrat d'assurance. Ou parce que exactement. C'est tellement, tellement, tellement complexe. Alors, il y a des trucs que je ne vais pas pouvoir dire parce que bah, c'est sous... Oui, c'est sous secret de... Je ne sais pas si on peut dire NDA, mais on a... Des divulgations. Des ouais, des... Voilà. Après, voilà, il y a des trucs, c'est des secrets de polichinelle. Bon, il faut savoir que pour faire le manuel de Nintendo, je ne vais pas dire qu'il a développé le logiciel, etc. Je ne peux pas le dire. Ça, on n'a pas le droit. Toi, tu le sais, je t'en ai parlé. Oui, bien sûr. Voilà. Mais... C'est Bolloré. Quand tu veux faire le manuel sur Wii ou Wii U, tu utilises un logiciel que Nintendo te fournit qui s'appelle le Wii U e-manual editor. En fait, pour faire le manuel pour ton jeu Wii U, au lieu de faire un PDF à la con, tu vois, comme sur Steam, et puis bah, la console lit, tu vois, le PDF, c'est une liseuse, quoi. Nintendo vérifie pour voir si tu mets pas des bits, tu vois, partout, des trucs comme ça, voilà, histoire de dire, voilà, qui est vite fait une modération. Gros zizi, mais voilà, tu fais ce que tu veux. Après, comme si tu veux expliquer les commandes de ton jeu, c'est ton problème, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, Sony nous l'ont même pas demandé le manuel, tu vois, pour te dire à tel point tout le monde en a rien à branler des manuels électroniques. Personne va les voir, quoi. Ouais, c'est des méthodes archaïques, quoi. Si t'as fait un bon jeu, bah voilà, les commandes, elles s'expliquent dans ton jeu, puis basta, tu vois. Bon, bah, là, c'est un logiciel qui te fait faire carrément des builds. En fait, pour faire le manuel, c'est comme si tu faisais un jeu. Faut coder, quoi. Tu vois, limite, faut carrément coder alors ton manuel. Alors que personne ne les lit, quoi, dans les faits. C'est ça qui est dingue. Sachant que, attention, faut utiliser des templates qui sont propriétaires à Nintendo. Il faut surtout pas trop les modifier, tu vois. C'est au pixel près, leur template. Faut pas changer les termes, faut rien changer. Attention, hein, tu touches pas à mes templates. Mais... Les templates, touche pas à mon template. Les templates et la nomenclature des pages, donc c'est-à-dire la page 1 c'est ça, la page 2 c'est ça, etc., changent selon le continent. C'est-à-dire que le Wii U manual US n'est pas le même que le Wii U manual européen et il n'est pas le même que le Wii U manual japonais. Il faut vraiment être motivé pour sortir mais un jeu sur Wii U. Mais le pire, attends, c'est pas fini. Il n'y a pas le même nombre de pages et c'est pas le même ordre. C'est-à-dire que le Wii U manual européen, au minimum, fait 7 pages parce qu'il y a des trucs qu'il faut dire que dans l'autre, c'est pas obligatoire, etc. Mais dans le Wii U manual US, Amérique du Nord et Amérique centrale et du Sud, etc., c'est pas le même nombre de pages. Oh, et par exemple, t'es pas obligé de mettre le scénario aux États-Unis. Par contre, le scénario de ton jeu, les pitch du jeu, t'es obligé de le mettre en Europe. Tu vois, moi, ils me refusaient parce que ils disent non. Vous, c'est un RPG, donc il faut mettre le scénar. Ils nous auront fusé le jeu entier, juste pour ça. Tu vois ? Enfin, et ça, les images, c'est pas les mêmes. Et ensuite, il faut builder, tu vois ? Donc, c'est comme quand tu fais un jeu. Hein, c'est, limite, c'est comme Xcode, tu vois ? T'as tes dossiers, il faut mettre tes ressources. Donc, quand ça build, le builder, il va choper les ressources pour pouvoir... faire un point, ce qu'ils appellent BFMA ou je sais plus quoi, qu'ensuite tu intègres au jeu, parce que tu peux pas builder ton jeu s'il n'y a pas le Wii U manual, parce que sinon, le kit de dev Nintendo le repère, etc. Bon. Et c'est une perte de temps incroyable, tout ça. Quoi. Pour les studios, pour les prods en cours. Et attention, accroche-toi bien, en plus de ça, leur logiciel est buggé. Donc, pendant que tu l'édites, il crache. Et une fois sur deux, quand tu builds, ça crache. Et tu perds sa mère du temps. Et des fois... tu peux même pas savoir hein, si la build, elle a bien pris les sources au bon endroit, etc., même si tu as fait bien ton taf, parce que des fois, tes fichiers, en fait, il y a des conflits dans les versions, dans les langues, tu vois, et dans les ressources que tu prends. Donc, des fois, il va te builder la version américaine avec les ressources européennes, tu vois, enfin, parce que, c'est, en fait, tout est mal expliqué. Et la doc est fait 15 milliards de kilomètres. 1 milliard de kilomètres. Et il y a une doc par version, par continent. C'est pas la même. Donc, en plus, il faut faire super gaffe aux docs que tu prends parce que tu as la doc NOA, tu as la doc NOA, enfin, donc la doc version américaine, la doc version européenne. Il faut faire super gaffe. T'envoies et ils te refusent le jeu s'il y a un toute petite erreur. Tu vois, par exemple, pour les manettes, pour les commandes, ils veulent absolument que tu mettes l'icône, tu vois, des manettes, des ouais. devices qui sont utilisés. J'avais fait la connerie de mettre, pour une des images, hein, de mettre une version US sur la version européenne. Ils ont refusé le jeu à cause de ça, parce que le bord, en fait, c'est des petites icônes, un peu comme Apple, l'Apple Store, tu vois. Ouais. Les bords en US, ils sont pas arrondis, et en Europe, ils sont un peu arrondis, les bords. Et là, j'ai pas fait gaffe. La Wiimote, j'ai mis en bord carré. Oh, catastrophe. Catastrophe. Le jeu refusé entièrement. Non, mais c'est dingue. Et pour terminer, donc là, c'est le coup près. Quand t'envoies une version à Nintendo, t'attends 3 semaines. T'attends 3 semaines. Ah, génial. Pour avoir un rapport de bug. Donc, quand t'as un rapport de refus, tu vois, quand t'as un refus de ton appli, parce que les bords de l'icône de la Wiimote, ils sont pas 3 semaines pour qu'on te dise ça. Ils sont carrés. Et que tu as une société à faire tourner, des gens à faire payer, et que tu dois absolument sortir ton jeu pour gonfler ton catalogue et commencer à faire des ventes. Parce qu'après, les royalties sur console, c'est la grosse branlette. Hein. Tu sors ton jeu, mais tu touches pas d'argent avant 3 mois. Hein. Tu vois ? Et accroche-toi, Bruno. Sur Nintendo, chez Nintendo, si tu dépasses pas un certain nombre d'euros, et je dirais pas le nombre d'euros, en tout cas, juste, il y a 3 zéros hein, dedans. Hein. D'accord. Mais si tu dépasses pas cette somme, ils te payent pas. Parce qu'ils estiment que ça sert à rien, quoi. T'es pas payé. Ça, c'est super intéressant que tu parles de ça parce que je sais pas si ça a beaucoup été dit et c'est hyper intéressant de voir l'envers du décor. Là, tout ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant parce que il y a pas de fumée sans feu en fait. C'est que on sait que Nintendo côté dev, on voit des choses un peu filtrées parfois sur le net comme quoi c'est compliqué, que Nintendo facilite pas vraiment la chose. Bon là, on a vraiment la preuve par A plus B. En fait, c'est simple, t'as l'impression, on a eu beaucoup de débats, nous, en interne, dans la société, avec notre éditeur, on s'est presque demandé si, en fait, ils voulaient pas sortir le jeu. S'ils en voulaient. Parce que c'est un vrai épouvantail à développeurs, tout ce système archaïque. Et, en fait, et oui, puis là, je te dis, je suis pas rentré dans les détails, oui. Mais il y a leur interface développeur hein, en ligne, qui est incroyablement gerbante, à chier, pas logique, le forum, c'est une tannée. Enfin, je me souviens de tes messages sur Gtalk, avec tes cris de au choix de douleur ou de haine. Non mais quand t'avais les mains dans le cambouis là-dessus, c'était. Attends. Il y a, tu vois, par exemple, ça, là, j'ai vécu la transition entre la Wii U et la NX sur l'interface développeur. Je l'ai vécu moi. Je crois que je t'en avais parlé. Bien sûr, ouais, on en avait discuté. En fait, quand t'as ton compte développeur, ça c'est partout pareil hein, chez Apple. Chez Google, Sony, etc. Tu as ton compte développeur qui est lié à l'IP. C'est pour des questions de sécurité. L'IP des gens qui ont le droit à avoir accès à ton compte développeur. Donc, par exemple, moi, Romain, il y a droit. Moi, j'y ai droit. Notre éditeur, il y a droit. Bon, les IP sont enregistrés par le constructeur. Normal. Et tu peux, voilà. Jusque-là, c'est normal. Tu peux rentrer dans l'interface utilisateur des développeurs. Donc, pour avoir les docs, avoir accès au forum, contacter Nintendo, soumettre ton projet, blablabla, blablabla. Bla, bla. Bref, on ne va pas rentrer dedans. On ne fait pas un podcast sur le dev. Mais avec tout leur changement de compte, là, My Nintendo, etc., blablabla, ils ont fait une nouvelle interface développeur qui c'est Nintendo My Development, Développement, machin truc. Bon, j'ai plus le nom en tête, je suis un peu crevé, mais bref, ils ont changé leur interface développeur justement pour s'ouvrir aux autres. Genre, on s'ouvre aux autres. Ah yeah, on va être plus simple, on a compris. T'sais, ils ont fait une De Gaulle, quoi. Vous avez compris. Voilà. Bon, certes, sauf que, en fait, ces gros cons, à la place de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de juste mettre un jour l'interface et changer l'interface et de garder tous les comptes développeurs, ils ont supprimé tous les comptes dev. Non, ah putain, oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé de ça. Mais même des grosses boîtes, hein, genre même Ubi, même Square Enix, etc. Donc, ça veut dire, attends, accroche-toi bien, que quand t'as déjà des jeux en vente chez Nintendo, ce qui est notre cas, on peut plus avoir les stats de notre jeu, on peut plus faire de mise à jour, on peut plus mettre à jour la page du store, on peut plus répondre, regarder les commentaires et répondre aux gens, on peut plus rien faire. Ce qui prouve qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité, quoi. C'est, tu vas sur ton compte dev, non, votre compte n'a pas été migré, etc., blablabla, sur la nouvelle interface, mais qu'est migré faire? Qu'est-ce que tu veux migrer? C'est pas mon problème, c'est toi, t'as changé ton interface, mais moi, je veux voir les stats de mon jeu, qui est en vente. Putain, mon jeu, il est en vente, je peux même plus y toucher, quoi. Je peux même plus toucher à mon propre jeu, c'est moi qui ai fait le jeu, c'est sur votre store, comment je fais? S'il y a un problème, comment je fais? Tu vois? Comment je fais pour voir mes ventes? Comment je fais pour donner mes rapports de vente, faire des prévisions à ma compta? Comment je fais pour... J'ai sorti un produit en tant que société chez vous, donc laissez-moi avoir accès à mon produit. Bah même pas. Nous, actuellement, c'est pas débloqué. Ubisoft, etc., tout le monde, ça a mis vachement de temps à se débloquer, mais même les grosses sociétés n'ont pas pu, genre, mais même Square, quoi, tu vois, tout le monde a été bloqué. Et ce qu'ils ont fait, c'est que, évidemment, ils ont débloqué à tout prix les VG et qu'ils sucent bien profond, genre Ubisoft, putain, sortez des jeux sur notre prochaine console, tu vois. Eux, ils ont accès à leur compte. Ils ont eu accès à leur compte assez rapidement. Mais par contre, tous les indés ou les autres boîtes, allez vous faire enculer, hein. Rien à branler. C'est quoi? Vous avez sorti des jeux? Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai, vous avez sorti 2-3 jeux chez nous. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Allez. Mais ce point de vue est intéressant parce que je me souviens quand ils avaient repoussé Rayman. Tu sais qu'il devait être une exclue sur Wii U au tout début, ouais. Et que tout le monde était tombé à bras raccourcis sur Ubisoft en disant bande de traîtres et tout, quand le jeu est devenu multi-support en fait. Mais ouais. C'est intéressant de voir l'envers du décor, c'est qu'on peut être fan et hyper admiratif des créateurs, voilà, qui travaillent chez Nintendo. Par contre, toute l'infrastructure autour, tout le côté relation avec les éditeurs, etc., les développeurs. J'imagine même pas sous Yamauchi ce que ça devait être. Oui, c'est ça qui est aussi assez surprenant, c'est que au lieu que ça s'améliore un petit peu, parce que Nintendo, c'est vrai qu'il y avait des méthodes, surtout du temps de la Super NES et de la NES, donc sous Yamauchi, qui était... Mais attention, c'est comme on m'a quand même bien précisé que c'était mieux qu'avant, alors j'imagine pas, quoi. Oui, ça n'en reste pas moins que là, ils sont vraiment à la ramasse sur tout cet aspect-là, y compris à l'image d'ailleurs de... Parce qu'on n'en a pas parlé, donc je fais une parenthèse vraiment très vite faite sur tout ce qui est service en ligne, où effectivement, d'accord, sur Mario Kart 8, jouer en ligne, ça marche très bien. Après, il faut quand même accepter le côté code ami qui est toujours un peu relou. Le store est un peu plus souple que celui de la Wii, mais c'est pas non plus. Enfin, celui de la Wii fonctionnait très bien pour son époque, sauf que là, ça a quasiment pas trop évolué, à part effectivement le Miiverse où tu t'en sers 2 jours et puis après tu. Tu t'en sers plus du tout. Enfin, moi au début je trouvais ça super rigolo, puis après je m'en suis plus servi du tout. Bah parce qu'ils ont pas, ils ont rien mis à jour, ils ont pas fait les comptes. Les comptes pour le store avec tous les services qui ont changé, puis il faut mutualiser, puis il faut ceci, il faut cela. On n'y comprend rien. Alors que sur PS4 ou sur PC, bah tac tac, tu rentres ton code, t'achètes ton jeu, ça y est, tu retrouves tes marques. Tout est compliqué à outrance. C'est compliqué pour les utilisateurs, c'est compliqué pour tout le monde. Et pour moi, ceux qui en pâtissent, c'est... parce que moi, je vois vraiment les deux côtés en fait, de la lorgnette, quoi. C'est les joueurs et aussi, pour moi, ceux qui se défoncent en coulisses pour créer des bons jeux, pour créer parfois d'excellents jeux. Faut voir comment on s'est cassé la tête pour faire une Teddy 2. Hein. C'est là où tu vois que la console... Elle est à la ramasse parce que putain, Fainty D2, juste, je veux pas minimiser le travail qu'on a fait, tu vois, mais c'est qu'un jeu en pixel art en 2D, quoi, tu vois, c'est pas non plus. Enfin, bon, même si la oui, 2D. Vous avez pas voulu faire un MMO ou un monde ouvert. Ouais, exactement. Oh, Romain, mais la désillusion, quoi, il s'arrachait les cheveux. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce que tu penses que ça. Enfin, la réponse, je pense qu'on la connaît déjà, mais je pose la question pour lancer le sujet vite fait, mais ça, par rapport à la NX. Qui arrivent, parce qu'ils vont sûrement encore nous faire le grand coup de on a les éditeurs tiers avec nous, il va y sûrement avoir 2-3 jeux Ubi en sortie de console et puis 2-3 autres trucs. Est-ce que toi tu sens de ton côté un. Ah, moi j'ai des échos hein, là-dessus. Donc, au niveau de l'Enix, est-ce que vraiment. Ouais, j'ai quelques infos. Bah, de toute façon, tous les développeurs ont plus ou moins quelques infos. Je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu comme on disait tout à l'heure, et si tous les développeurs s'accordent à dire que c'est ça, c'est que ce sera ça de toute manière. C'est que faut savoir que le SDK de chez Nintendo, en fait, c'est un SDK. Et vous, alors le SDK, oui, c'est l'environnement. Mieux que tu expliques pour ceux qui nous écoutent. Ouais, c'est l'environnement de développement. Voilà, je vais faire très court. L'environnement de développement lié à leur hardware. Voilà. Donc c'est ce qui permet de faire des jeux, c'est, comment dire, c'est une sorte de machine virtuelle qui prend en compte toutes les spécificités de la machine, que ce soit niveau hardware et software. Donc voilà, ça permet de développer des jeux sur une machine. Tu veux développer sur iOS, il faut le SDK iOS. Tu veux développer sur la PS4, il faut le SDK de la PS4. Voilà, c'est la station de développement, si vous voulez, ce qu'on entendait beaucoup dans les magazines des années 90, station de développement, voilà. Ou kit de développement, ouais. Non, mais kit de dev, par contre, c'est le vrai nom, c'est ça. C'est un kit de dev. Le SDK, c'est dans le kit de dev, en fait. Ça fait partie du kit de dev. Bon, le kit de dev de Nintendo, alors là, c'est Romain qui m'a dit ça, puis j'ai quelques développeurs qui m'ont aussi dit la même chose. En fait, c'est le même depuis la NES, mis à jour. C'est pas un truc de ouf? C'est le même. Tu vois que là, si tu veux rétrograder le kit jusqu'au bout, bah tu peux faire un jeunesse. Enfin, c'est la même structure, c'est la même infrastructure, c'est la même organisation, c'est le même langage, c'est les mêmes fonctions liées au hardware Nintendo depuis le début, etc., etc., etc. Bon, là apparemment pour la NX, il y a tout qui a été mis à la poubelle, quoi. Donc, quasiment rien n'a été gardé et c'est sur une technologie Android pour la NX. D'accord. Donc pour toi, c'est ce qui s'est dit. Ah bah si c'est sur une technologie Android, c'est que n'importe qui peut développer avec n'importe quoi sur Unix. En gros, c'est simple, tu fais un jeu, t'appuies sur un bouton, ça sort sur Unix, quoi. C'est... D'accord. En théorie, même d'autres outils de développement, type CocoS 2DX, tous ces frameworks, entre guillemets, genre Unity, tous ces trucs-là, en théorie, ça va faciliter grandement le développement sur Unix. En fait, les seuls trucs qu'il faudra tenir compte, bah, c'est toujours toutes ces merdes, bon, de e-manual, ces trucs-là, parce que ça, je pense que ça ne changera pas. Mmh. Et puis surtout, bah, les TRC. Donc tout ce qui est lié vraiment soit au constructeur, soit bah, aux règles du constructeur. Ce qui est en fait, ce qui se passe sur PS4, Xbox One, sur Android, sur iOS, bon, bah, tu vois, t'as des déjà un bon point, quoi. Tu prends Unity. Tu fais un jeu avec Unity, tu peux le sortir sur iOS, sur Android, blablabla, blablabla, mais après, toi, quand tu veux sortir ton jeu, bah, tu dois te plier aux exigences du constructeur. Donc, par exemple, sur iOS, ça va être tous les ratios d'écran liés à iOS. Ça va être la gestion du Game Center. Ça va être tout ce qui est, par exemple, les modules Facebook, partage de score, etc. Bon, bah, ça, par contre, c'est vraiment lié au constructeur. Tu vois, ils ont leur truc à eux, même si c'est déjà pré-mâché sur certains outils de dev comme, je sais pas, CocoS 2DX par exemple, parce que nous on utilise beaucoup. Bon, bah faut quand même le brancher avec tu vois, avec le SDK du constructeur. Donc tout ça, c'est aussi les TRC, si tu veux, ça fait partie de tout ce qui est lié au constructeur. Alors, en théorie, c'est ce qui va se passer sur NX. Donc que ça devrait mieux se passer. C'est une technologie universelle, voilà. Et ensuite, faut brancher et se lier au TRC et se brancher aux features qui seront liées à la console. On les connaît pas. Quelques développeurs les connaissent, en tout cas moi je les connais pas, qui seront liés à l'idée, à la techno, au nouveau truc bidule de Nintendo. Mais c'est ça, parce que c'est ça le problème en fait. Et c'est pas un problème, parce que si c'est que ça, allez, pour faire un portage Wii U, c'est quoi? C'est un mois de taf, tu vois. Wii U. Enix, ce sera quoi? Un mois de taf en plus? À tout péter? Et puis c'est bon, quoi. Oui, mais c'est... Moi, si c'est ça, c'est parfait. Je parle de problème dans le sens où quand Nintendo, en fait, la Nintendo différence, celle qu'on. Ouais. Qui parfois fait des miracles, mais parfois c'est ce qui peut les emprisonner aussi, parce que bon, Wii U c'est un peu le combo, c'est que c'est chiant à développer, et puis t'as le concept qui t'enferme un petit peu dans le truc. Si Nintendo déjà arrive avec la NX, avec quelque chose où on ne peut pas trop mutualiser tous les gros jeux qui sortent, en fait, ouais. S'ils se mettent encore bien à l'écart là-dessus, qu'il faut penser ton gameplay, ton GD, tout autour de la machine Nintendo. Déjà ça, ils se mettent un peu en marge. Donc, effectivement, si à côté de ça, pour développer dessus, ça, c'est facilité, c'est un bon point. Maintenant, on n'est quand même pas à l'abri d'un concept encore sur le papier qui va être intéressant ou pas, et qui va peut-être marginaliser la console. Oui, ouais, voilà. Donc, ah, mais bon, après, moi, s'il me faut une N64 bis, franchement, ça me va très bien. Je m'en fous, moi, qui est FIFA, je sais pas quoi, c'est une console Nintendo. Moi, ce que je veux, c'est un vrai nouveau Mario qui pète, un vrai nouveau Zelda qui pète, des nouvelles licences où tu dis, waouh, putain, mais pourquoi personne n'y a pensé avant? Parce que Nintendo, c'est ça, c'est souvent chez Nintendo, on a eu le waouh, pourquoi personne n'y avait pensé avant, tu vois. C'est souvent ça, c'est comme la Wiimote, comme, comme le Z targeting, tous ces trucs-là, tu te dis, mais pourquoi personne n'y avait pensé? Bah, pour... Les boutons LR, pourquoi personne n'avait pensé De toute façon, LR que ce soit au niveau... Et ça, la liste, on peut la Que ce soit au niveau rallonger. Game design, ou que ce soit même au niveau du hardware, ils ont été visionnaires. Mais voilà, moi c'est ça que j'attends. Le jeu vidéo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans Nintendo. Voilà. Ah bah, que ce soit oui, en termes de matos, que ce soit en termes de game design, ça c'est indéniable. Les trouvailles qu'ils ont faites dans leur jeu au niveau de leur machine, on en retrouve encore aujourd'hui, je dirais même pas les bénéfices, c'est que tu as carrément des genres entiers, des machines qui se sont faites sous inspiration de Nintendo. Donc des sociétés même. Voilà, donc ça c'est indéniable. Maintenant, je pense que pour conclure, le prochain Zelda va être assez intéressant là-dessus, c'est que, ouais. Et, à mon avis, c'est même pas qu'il est attendu au tournant. C'est pire que ça. Tomber, hein. Laisse tomber. C'est hein. que là, si. C'est un contrôle, c'est un contrôle, là, carrément. Hein. Voilà, c'est que là, ce Zelda, si c'est juste une somme de choses qui marchent bien à côté dans les gros jeux occidentaux, et que, bon, c'est sympa, mais qu'il n'y a pas la vision de Nintendo, que Nintendo n'en fait pas une vision ou une démonstration, une leçon, je pense que pour l'image du Nintendo qui innove. Ouais, ça du mal. Nintendo qui monte la voie, je pense que ça va être un petit peu un tournant parce que là déjà faut que ça soit le Mario Galaxy du Zelda quoi. Entre c'est ça, guillemets. C'est ça. Et c'est du genre on a une technique moindre, mais par contre regardez ce qu'on fait quoi. Bah, même si il a un sous-titre comme chaque Zelda, on a vraiment l'impression que, enfin moi c'est comme ça que je le vois. Hein. On ça a l'impression reboot, d'un reboot voilà de Zelda ah, ouais, 1 ouais. en fait. Enfin des Zelda 1 et 3, parce qu'ils sont hyper ouais. liés pour moi, voilà. En fait, oui, on dirait, entre guillemets, Zelda 4. Je sais pas si tu vois ce que exactement. Je veux dire. Oui, exactement. C'est, on dirait la continuité de Zelda 1, Zelda 3, et celui-là derrière. Ça ressemble à ça, hein. Ça ressemble grandement à ça, donc, le côté bon, plein de donjons, que... liberté, etc. Donc, ouais, je crois... À voir. En tout cas, je pense que vraiment, cette émission était un... J'ai envie de croire, pour terminer, oui, vas-y, ce que je voulais ouais. dire, c'est que j'ai envie de croire qu'ils ont compris leurs erreurs. Je me le dis souvent, ça. Et on se le dit à chaque fois, ça. Mais là, ça fait quand même beaucoup d'erreurs d'affilée, Bruno. Enfin, bah, au ouais, d'un moment, il faut bien. Se réveiller. Là, c'est un nouveau président. Bon, oui, j'ai envie de croire que... Mais moi, j'ai que... envie, parce que c'est vrai qu'ils ouais. ont comme une période noire entre la Wii U, entre la perte prématurée de ce génie qui était Iwata. Ouais. Il y a vraiment, vraiment... Ils ont une histoire quand même un petit peu compliquée. Et c'est vrai que moi, je pense surtout aux développeurs derrière qui... se défonce à créer des super jeux. Là, mais même professionnellement, j'ai envie d'y croire, parce que j'ai envie de continuer à travailler avec Nintendo. Moi, quoi. Pour Wii U, pour avoir joué, justement, on va conclure comme ça, parce que je vais vous parler un petit peu de ma ludothèque Wii U, parce que j'ai énormément de jeux sur Wii U, autant que sur PS4. et donc, bon, bah, là, effectivement, vu la tournure prend la Wii U, à terme, j'aurai beaucoup plus de jeux sur PS4, c'est sûr, mais bon, parce que là, il sort plus grand chose sur Wii U, mais. Bah, plus rien, même, tu peux le dire. Voilà, moi, je conclurai, c'est que j'ai beaucoup de peine, en fait, nous, étant du côté dev, j'ai beaucoup de peine pour ceux qui se défoncent en backstage à sortir les meilleurs jeux possibles. Et sur Wii U, il y a une ludothèque qui, pour moi, qui est excellente. Et tout ce qui a été fait de merdique autour de la Wii U, que ce soit la machine en elle-même, que ce soit la communication, que ce soit le concept, etc., bah pour moi, ceux qui payent les pots cassés, c'est ceux de la division software, quoi, qui sont défoncés oui, à créer des jeux qui parfois sont passés, alors inaperçus, c'est peut-être un bien grand mot, mais qui auraient mérité un succès quand même beaucoup plus ample. J'imagine. Ah, parce que fallait un parc plus. Les mêmes jeux sur Wii. Mais ça aurait été fabuleux, quoi. Ils ont des ventes stratosphériques. Pardon, excusez-moi. On tousse toujours beaucoup, hein. Vous nous excusez. Donc, avant de passer à la rubrique musicale, et là, vous voyez, on a tenu notre promesse, l'épisode est moins long. Mais il était très intéressant parce que je pense que le point de vue dev, on l'entend pas souvent en podcast. Et là, c'est hyper intéressant, en fait, de voir aussi l'autre verre de la médaille. Donc, je vais vous sortir mes jeux Wii U. J'ai essayé de faire un classement comme ça, rapidement, au débeauté, du moins bon à mes préférés, quoi, même s'il y a certains que j'arrive pas à départager. Donc, moi, sur Wii U, je vous dis ce que j'ai. Donc, ça s'adresse, en fait, je vais faire ça vraiment très rapidement, mais je vais juste dire deux mots par jeu, mais ça s'adresse à ceux qui ont soit une Wii U et puis qu'on oublie un peu d'acheter des jeux dessus parce que c'est vrai que la console est un peu dans l'ombre, ou ceux qui comptent en acheter une plus tard à prix bradé. Et là, voilà, je les envie parce qu'ils vont se faire vraiment plaisir à découvrir tout ça d'un coup. Alors, Mon dernier d'Ali, c'est Zombiu. J'avais acheté le pack Zombiu. Voilà. Donc Zombiu, j'étais super déçu. C'est pas terrible. C'est pas de la merde, mais c'est... Voilà. En Survival Horror, il y a vraiment beaucoup mieux. Après, j'ai Splatoon. Grosse déception. Donc on fait partie, en tout cas à la maison, que ce soit mon fils ou moi, on n'a pas du tout aimé. Donc je sais que ça cartonne, Splatoon. Mais voilà. Bon, nous, le gameplay, on le trouve pas bien pensé du tout. Le concept de base est sympa, mais je trouve que manette en main, enfin gamepad en main, c'est pas amusant. Voilà, malgré toutes les configs de gameplay qu'on peut faire, c'est pas rigolo. Voilà. qu'est-ce que j'ai aussi ? J'ai le portage de Resident Evil Révélation sur Wii U. Donc ça, c'est sympa parce que je l'avais adoré sur 3DS et de le retrouver en HD, sachant qu'il n'existe pas que sur Wii U. Hein. Vous l'avez en HD sur, si je dis pas de bêtises, sur PS3 et 360. Sur PC, je crois. Sur PC, alors je sais plus si sur PS4 et One il y est, j'ai un doute. Donc il y a le Révélation 2 sur PC, donc j'imagine qu'il y a le 1. Fin... Ouais, je pense, ouais. Très certainement, ouais. Sachant que celui-là, contrairement au Révélation 2, il n'est pas vendu par épisode. Le Révélation 1 est découpé en épisodes, mais vous avez tout. Vous avez toute la saison, entre guillemets, dans la boîte. Kirby et le passant arc-en-ciel. Alors, ça, c'est vachement bien, et d'ailleurs, ça va. Il y a une connexion avec notre rubrique musicale. là dans deux minutes Kirby le pinceau arc-en-ciel, donc c'est encore un Kirby un peu spin-off avec son monde en pâte à modeler. Alors j'ai été un petit chouïa déçu sur le... Alors ça se joue au style un peu comme Kirby le pinceau arc-en-ciel qui était excellent sur DS. Donc là ça se joue au stylet sur le gamepad. Le rendu en pâte à modeler est vraiment exceptionnel. On a vraiment l'impression de voir les séries de notre enfance en pâte à modeler. Ouais, c'est vrai que c'est super. C'est magnifique. Après, au niveau du level design, du gameplay, c'est très efficace. Et un peu à l'image de Yoshi Woolly World, qui arrive, hop, juste après pour moi, c'est que c'est très très bon visuellement. C'est une tuerie. C'est peut-être un peu trop classique en termes de LD. Alors, c'est carré, hein, c'est de l'horlogerie suisse. Hein, ça, il n'y a pas de souci. C'est magnifique, mais... Ça manque peut-être un peu de folie, mais voilà, c'est très bon jeu. Donc Yoshi Woolly World, je le conseille aussi. Je fais très vite. On a Smash Bros. Alors moi, Smash Bros, j'ai jamais été fan de la série, pas du tout. Mais bon, là, c'était quand même dommage de pas le prendre quand même. Bon, d'avoir une Wii U pas Smash Bros. Donc voilà, ça, il y a des amateurs. Moi, je le suis pas à fond, mais voilà, quand on est fan de Smash Bros, de toute façon, il y a pas besoin de le conseiller. Rayman Legends. Donc qui, bon, voilà, bon, pas besoin d'en dire plus, hein, qui est excellent, peut-être un peu surcoté à notre goût, toi aussi Juju, je pense que voilà, tu le trouves peut-être un petit peu surcoté. Mais que ce soit le 1 ou le 2 hein, d'ailleurs. Hein, visuellement, c'est l'impression de jouer dans un Disney. Et... Voilà, ça c'est pas un problème, graphiquement. Voilà, graphiquement, c'est... ça tue, et puis vraiment, il y a des niveaux comme les niveaux musicaux, tout ça, qui sont très très marquants. bon, le prochain, je ferai presque une heure sur lui, tellement je le défends, c'est un peu un de mes jeux bataille. Qui pour moi est... Bon, il a dépassé 1 million de ventes, donc je suis quand même content. pour vous dire, c'est mon monde ouvert, c'est mon jeu open world préféré après GTA V et Witcher 3. C'est Lego City Undercover, qui pour moi... Ah oui, ouais, tu m'en avais parlé. Voilà, il est juste sur... je parle pas de la version 3DS, qui est vraiment plus cheap, mais je parle vraiment de la version Wii U. Écoutez, si vous avez une Wii U, si vous comptez vous en acheter une, achetez ce jeu, vraiment, c'est un... Mais les jeux Lego sont bons, de toute façon, en général. Mais pour moi, c'est le meilleur jeu Lego, puisque là, c'est vraiment, c'est calqué sur un GTA, c'est un monde ouvert avec des missions, mais qui est hyper bien écrit, qui est truffé de références aux années 70-80, donc pour les parents, ça, c'est top. C'est passionnant, le monde à explorer, en plus, c'est très très beau, il est vraiment très très joli, il y a des panoramas magnifiques, et la map est assez grande pour un jeu Lego, et où qu'on fouille, on trouvera des petites choses rigolotes à faire. Enfin, c'est un concentré de bonne humeur, c'est un jeu qui vous redonne le sourire en 10 minutes. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est bien écrit, c'est haletant. Enfin, moi, je sais que je l'ai fini à 100%, mais j'étais comme un fou, quoi. alors que j'étais à 4, je l'avais abandonné, vous voyez. Donc c'est pour vous dire. Enfin, vraiment, il est top. Mario Kart 8, bon, bah, que dire, voilà. C'est de la tuerie absolue. Bon, il n'y a pas besoin de s'éterniser plus dessus. Captain Toad, donc Treasure Tracker, on en a parlé déjà tout à l'heure, donc foncez. Ah, moi, ça me fait vraiment envie. Foncez. Le jeu est fabuleux, le concept, donc on va pas le rappeler, est vraiment hyper bien décliné jusqu'au bout. Enfin, c'est comme une leçon, comme avec Nintendo, bien sûr. Ouais, ils ont un concept, ils l'exploitent vachement bien. Les niveaux sont mignons, sont passionnants, puis vers la fin, on se gratte quand même un peu bien la tête. C'est le premier jeu dont Toad est le héros, et en plus, il y a Toadette, et il y a des sortes de petits rebondissements dans le jeu, donc je vous dirai pas, mais voilà, la durée de vie est assez conséquente. Mascasses. Voilà, mais c'est, enfin, bon, c'est fabuleux et il y a beaucoup de surprises dans ce jeu. Enfin, c'est du Nintendo pur jus. Après, donc pareil, je vais pas y revenir. New Super Mario Bros. Wii U, malgré le fait qu'on ait l'impression de redite quand on y joue, bah c'est, voilà, pour moi c'est le meilleur de la série des New Super Mario Bros. C'est du level design mais de haute volée. Donc foncez, Mario. Alors Super Mario 3D World, voilà, c'est surtout pour lui que ça me fait vraiment de la peine que la Wii U n'ait pas fonctionné parce que pour moi, c'est un des Mario les plus brillants de ces dernières années. Il faut vraiment y jouer. Il écrase littéralement la version 3DS. Ouais. On a l'impression que la version 3DS était un peu un brouillon de ce jeu-là. Vraiment, il est fabuleux. Les idées foisonnent de partout. Enfin, moi, c'est un de mes Mario préférés. Donc, je ne peux pas vous dire plus que ça. Et enfin, pour moi, le premier de la pile, c'est Super Mario Maker. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est vraiment un jeu qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Enfin, qu'on n'aurait pas pu trouver ailleurs, pardon. C'est un jeu qui a été fait pour la Wii U. Pour moi, c'est la lettre de fan, c'est la déclaration d'amour ultime faite aux fans de Mario Hardcore que je suis. Donc, je ne vous rappelle pas le principe, parce que ça, tout le monde le connaît. Mais l'éditeur est d'une ingéniosité assez bluffante, je dois dire. Ah bah nous, on s'en est inspiré pour nos outils internes. Hein. C'est le... Si vous êtes fan de Mario, c'est vraiment l'objet fanservice ultime. Quand on est fan des Mario 2D, je peux pas dire mieux que ça. C'est une merveille pour moi. Dans mon cœur, il a 20 sur 20. Ah bah c'est un peu un fantasme que beaucoup de fans... C'est un fantasme. Mario, voilà. Moi, l'ado que j'étais, qui dessinait des niveaux de Mario World sur feuille de papier... a pu créer ces niveaux de Mario World et en plus c'est très fan service mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ça foisonne de... C'est assez fidèle, ouais. C'est assez fidèle et surtout que c'est assez dur, résumé en 5 minutes, mais disons que tous les éléments qu'on trouve dans les anciens Mario, donc 2D quasiment tous, y sont, sauf qu'il y a des nouveaux objets complètement inédits, il y a des fusions, il y a des combinaisons qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Oui, oui, ils ont poussé le truc plus loin. Voilà, et il y a un petit côté aussi, par exemple, dans Mario 1, avec la skin de Super Mario Bros. NES, vous pouvez faire des Ghost House, par exemple. Des skins de Mario récents sont adaptés au Mario plus vieux, et inversement. Et il y a des objets inédits, il y a pas mal... Enfin bon, c'est la folie, on peut faire un tas de choses, et je dirais même que pour ceux qui veulent s'exercer au level design, c'est un outil qui est vraiment hyper sympa et qui est très très performant, puisque vraiment Nintendo vous laisse les clés, quoi. Donc vous pouvez créer vos niveaux, enfin c'est... Voilà, c'est pour moi, rien que pour la Wii, rien que pour ça, je suis heureux que la Wii U soit sortie, parce que Mario Maker, quand il est arrivé, pour moi ça a été un choc, et je l'avais dit à l'époque sur les réseaux sociaux, et ça a été un choc pour moi quasi aussi fort que l'arrivée de Super Mario World au niveau émotionnel en tant que fan de Mario. C'est, enfin, pour moi, c'était le Messie qui descendait un peu sur Terre. Et enfin, voilà, c'est extraordinaire, Mario Maker. Voilà, bref. Donc, sauf si tu voulais conclure sur quelque chose pour la Wii U, Juju, si tu voulais dire encore quelque chose sur la console. Non, bon, on n'a pas trop parlé des Amiibo, mais bon. Oui, c'est vrai qu'on est passé. Bon, moi, Amiibo, je résumerai ça parce que dans 10 minutes, il va falloir qu'on coupe, puisque comme ça, ça vous fait un épisode pas trop long. Et puis, moi, j'ai mon fils à aller chercher à l'école, donc comme ça, c'est réglé. Et moi, faut que j'aille pisser. Voilà, c'est important aussi. en fait, les Amiibo, je suis pas comme certains qui les collectionnent tous. Ah non, moi non plus. Ceux non. qui me plaisent. Je les prends parce que je les veux sur mon étagère. Pareil. Par contre, in-game, ça sert à rien. La promesse, c'était super décevant à ce niveau-là. C'est que ouais. Je m'attendais à beaucoup de choses par rapport aux Amiibo. Et globalement, là où ils sont mieux utilisés, je suis désolé, c'est dans Super Mario Maker. Parce que ça fait des costumes rigolos, oui, ça fait des machins rigolos, et voilà. Et d'ailleurs, Mario Maker, juste une précision, c'est même le jeu ultime fan service Nintendo, même en général, puisque... gratuitement, on a des niveaux faits par Nintendo ou par des sommités du jeu vidéo japonais qui sont accessibles, y compris chez nous en France. Et quand on les termine, on débloque des costumes de héros Nintendo, parfois très très obscurs. Ça peut être un personnage du magazine Famitsu, par exemple, vous voyez. On a accès à ça en France. Des costumes, des petits objets, des véhicules, tout ça. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse. Mais les Amiibo, c'est juste des... Belle figurine à collectionner, mais in-game, sert à quasiment rien. Pour te dire, moi, j'ai pas de Wii U et pourtant j'ai des Amiibo, quoi. Hein, tu vois, donc. Donc ça, la seule utilité que sur ce plan-là, ils ont gagné, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Puis ça rapporte plein de brosouf. Et donc, comme vous le savez, on termine toujours par une petite rubrique musicale. Et là, une fois n'est pas coutume, je vais sortir un titre récent et donc qui est pile poil dans le sujet. Donc, c'est le Kirby donc de la Wii U, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est tout en pâte à modeler, super mignon. Donc, Kirby le pinceau arc-en-ciel. Et qui a une BO qui est très sympa, qui est dans la moyenne des Kirby, c'est-à-dire c'est vraiment super mignon, tantôt effectivement mignon, tantôt dynamique, etc. Elles sont toujours top, les BO des Kirby. Elles sont toujours top. Mais j'ai vraiment été étonné de la musique des boss, qui pour moi, pour être dans un RPG ou dans un jeu d'action beaucoup plus guerrier, je dirais, la musique des boss de ce Kirby-là m'a foutu une putain de claque. Et j'adore ce thème-là. C'était une bonne surprise, vraiment. Et je l'avais mis dans ma... Je vais découvrir, parce que je connais pas. Voilà, et je pense que beaucoup de gens, vu que c'est sorti sur Wii U, ne le connaissent pas. Et je me suis dit que là, on parlait de Wii U, bah, c'était le moment de placer ce titre-là. Donc c'est le thème des boss de Kirby, le pinceau arc-en-ciel sur Wii U. Ok. On va s'écouter là dans quelques minutes. Avant de se quitter, donc, on voulait vous remercier pour les retours des trois premiers épisodes, l'épisode 3 sur les jeux que tout le monde aime, que tout le monde adore sauf nous, a vraiment fait un joli score, le plus beau score des trois émissions. Ah, ça monte petit à petit, c'est bien. Ça monte là à peu près sur les trois épisodes. Alors on enregistre, on est à plus de 500 téléchargements. Téléchargement à écoute compris, ça nous fait dans les 500, donc bon, ça nous fait plaisir parce que vraiment c'est un petit podcast qui débute sans prétention, donc on est assez content. Et voilà, et donc du coup on va essayer d'être présent quand même avec vous pour l'été. Le numéro que vous écoutez maintenant, ce sera le numéro du mois de juillet, très certainement. Il y en aura peut-être un deuxième, mais c'est pas sûr. Et quoi qu'il arrive, on essaiera de vous en faire un aussi pour août. Voilà, le nombre après on sait pas, puisque Juju après ça sera un peu moins disponible, etc. pour le mois d'août, mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour notre chère clientèle. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Juju, je te dis à la prochaine. Ouais, pareil, à la prochaine. Voilà, on vous dit salut, partagez, c'est très important, je finirai vraiment avec ça. Si le podcast vous plaît, partagez-le sur Twitter, Facebook, mettez-nous des petites étoiles sur iTunes, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut remonter un peu à la surface et se faire un petit peu voir, c'est hyper important. Enfin, si vous aimez ce qu'on fait, on vous invite vivement à le faire. Et puis, on vous dit à très vite pour une prochaine émission. Et donc, on s'écoute le thème des boss de Kirby Wii U. Allez, salut. Allez, à bientôt. Ciao.